news. Fidèle et maternelle, tarte aux pommes à la cannelle, vaisselle propre et bien rangée, louquette la cave en grenier. Elles sont pas très douées en maths, brille la priorité à droite, hystérique et ménopause, casse-couille pour pas grand-chose. Hey! Oui, mais moi, j'aime pas le rose. Une femme, c'est pas une chose. Les quatre, j'en ai ma dose. Une femme, c'est pas une chose. Les quatre, j'en ai ma dose. Elles peuvent être grosses et picolées, comme les poètes ou PDG. Fumer comme un pompier, être tatouée de la tête aux pieds. Ne pas vouloir d'enfant, choisir d'en être le sang. Ne pas se trouver de mari, ou même gagner plus que lui. Une femme, c'est pas une chose. Les cas, j'en ai ma dose. Une femme, c'est pas une chose. Les cas, j'en ai ma dose. Et nous, on n'aime pas le rose. Oui, nous. You can't. Seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Salut tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, le vendredi soir, le rendez-vous à ne pas louper, le rendez-vous des artistes de la région orléanaise et d'ailleurs, puisque aujourd'hui on va voyager un petit peu plus loin que d'habitude. Aujourd'hui c'est l'édition numéro 660, on s'approche de plus en plus des 666 et cette émission-là je l'ai réservée pour un autre groupe. Alors dans l'émission Mavrica on a l'habitude d'avoir des artistes qui viennent présenter leur travail et c'est le cas ce soir. Depuis le début de l'émission on a écouté déjà plusieurs artistes qui sont venus dans l'émission Mavrica. Il y avait entre autres le groupe Nos Noires Cerises qui était venu il y a quelques semaines. On a écouté un morceau qui s'appelle J'aime pas le rose, donc un groupe qu'on a découvert pour la première fois il y a quelques temps. Et régulièrement on va diffuser des morceaux dans l'émission Mavrica. Après Noires Cerises, on a écouté un groupe qu'on a déjà l'habitude d'écouter depuis pas mal de temps. Il s'agit du groupe Prisma, un groupe qu'on aime beaucoup, qui a déjà participé à Mavrica Live. Et le titre qu'on a écouté s'appelle Way of Live. Juste après, on a écoutez, comme je vous ai dit depuis quelques semaines, depuis que j'ai rencontré JB des Burning Head, on passe chaque semaine un morceau du nouvel album qui s'appelle Amber of Protest. Et cette fois-ci, c'était le tour du morceau qui s'appelle Red. C'était les Burning Head. Juste après, on a écouté Benzine avec Baby It's OK. Alors, depuis quelques temps, on a reçu pas mal de gens dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. La semaine dernière, c'était Yavanna. On avait passé un bon moment avec elle. Vous pouvez voir les photos sur le Facebook de l'émission Mavrica. Alors, il y a Yavanna. Alors, il faut savoir que les photos ont été prises, comme d'habitude, par moi-même. Donc, je prends les photos pour avoir des bons souvenirs, pour avoir de bons albums. Et c'est Yavanna qui les a retouchées cette fois-ci. C'est retouche Yavanna et les photos officielles de l'émission Mavrica numéro 659, si vous avez bien suivi. Donc, ce soir, on reçoit aussi un artiste. Alors, un artiste qui va nous parler de plusieurs projets, parce qu'il en a plusieurs. Et ce soir, en plus, il est bien accompagné. Je vous présenterai tout le monde tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, cette émission est dédiée à Craig Waters. Il est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ça me fait vraiment plaisir. Alors c'est le batteur du groupe Les Bell Rays, un groupe californien, un groupe de Los Angeles, et il est sur Orléans, donc ce soir on est très content de l'avoir ici. Et il est accompagné de deux autres personnes. Il y a Bertrand qui est là, qui était déjà venu avec Dorenlo, et il y a notre ami Phil Pouanguy, un musicien que vous connaissez bien dans la région orléanaise, notre Phil qu'on connaît bien, qui joue du rockabilly et qui maintenant fait partie de notre groupe. On en parlera, on a plein de choses à découvrir ce soir. Donc on va commencer cette émission numéro 660. Et juste après mon petit commentaire, on va écouter un morceau, une exclusivité mondiale. Il s'agit du groupe PRS, le groupe PRS qui a participé au dernier Mavrica Live. Et je vous propose d'écouter un morceau qui est enregistré à cette occasion. Vous allez voir, en plus, le résultat est superbe. Je suis vraiment content. Alors le groupe PRS, aujourd'hui, ne s'appelle plus comme ça. C'était leur dernier concert sous ce nom-là. Maintenant, à partir de maintenant, vous allez les connaître sous le nom de OSKLE. OSKLE, OSKLE. Et le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle Love is the Answer. Et Answer. Voilà. Enfin, on va le demander à nos amis qui parlent beaucoup mieux anglais de nous le dire tout à l'heure. Donc, c'est enregistré au Mavrica Live. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors, on va accueillir nos invités. Hein, et il y en a plusieurs, je les ai déjà présentés tout à l'heure. Et là, on vient d'écouter un morceau, c'est vraiment la première diffusion. Hein. Il a été mixé, il a été enregistré samedi dernier lors du Mavrika Live. Et ça a été mixé, et très rapidement, BRS me l'a envoyé. Donc, il y aura tous les morceaux qui vont être remixés. Hein. Il y aura ceux de Rascas, ceux de Sonic Lag aussi. Donc, au fur et à mesure, on vous les passera dans l'émission Mavrika. Et on est super satisfait du résultat. Et vous avez pu entendre aussi la qualité des musiciens qui composent le groupe BRS que maintenant vous allez connaître sous le nom de Oscle. Oscle, voilà. Donc on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors notre invité, c'est Craig Waters, le batteur du groupe Les Bell Rays. Voilà, je prononce tout bien là pour parfait, l'instant. Ça c'est va. Parfait. Tout à l'heure, Answer, j'avais dit the Love. Answer, oui. Answer, la réponse. Voilà, ça a été. Love is the answer. L'amour c'est la réponse. C'est la réponse. Voilà, c'est une très beau, très belle, très beau titre. Donc on est ce soir avec Craig, et comme Craig, il est américain, il parle l'anglais, il parle aussi un petit peu le français. Tu parles un petit peu le français? Oui, un petit peu. Un petit peu, voilà. Et il parle même bien le français. Il apprend. Je suis sûr qu'à la fin de l'émission, tu vas voir, il va le parler couramment. Craig est ici, et il y a Bertrand qui est venu me donner un coup de main aussi. Ça bonsoir, va Bertrand? Bino, et bien. Ouais, ça super. Ça fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ouais. On s'était retrouvé. Tiens, on avait vu un groupe, un superbe groupe. Happy Go Lucky. Happy Go Lucky. Band. Au Parc Pasteur. Au Parc Pasteur. On était là-bas. On a vu ce groupe-là. On a vu les Burnhead. On a vu les Sukhoi Fever. Il y avait Pete Sampras aussi. Très belle programmation. Et un autre groupe. Je me souviens plus le premier. Des petits jeunes. Ouais, petits jeunes. Mais c'était super. Ouais. Hein. Vraiment. D'ailleurs, j'ai un contact avec eux. Ils viendront dans les studios. Super. Et il y a Phil Twangy. Twangy. Donc dans les Happy Goes Lucky Band, il y a deux Phil. Happy Go. Ouais, parce que moi j'ai tendance à rajouter des trucs là où il y en a pas et en enlever là où il devrait en avoir. Et à cette occasion là, tu m'avais présenté Craig. Oui. Et on avait calé une émission pour fin octobre. Et on y est, le 31, ça y est. C'est formidable. Donc c'est formidable. Bon, alors on s'est retrouvé un petit peu pour préparer l'émission parce que là il y a de quoi dire sur Craig. Il y a toute une vie. Toute une vie. on commence par quoi? Tu veux le présenter déjà? Craig est né aux États-Unis, près de Woodstock, dans l'État de New York, en 1970. À Woodstock, au festival de Woodstock, il était déjà dans le ventre de sa maman. D'accord. Parce que ses parents étaient présents au festival. Donc, il était déjà dans le bain bien avant de naître. Et c'est quelqu'un qui a passé sa vie dans la musique et sur les routes, en concert, en studio. Et qui a joué dans de nombreux groupes, dans le blues, le jazz, le rock, le hip-hop, la soul. Donc, il a été un peu dans tous les styles musicaux. Oui, un grand batteur, grand musicien, pas uniquement batteur, mais aussi compositeur. Donc c'est vraiment un artiste qui a plusieurs cordes à son arc et qu'on a la chance d'avoir en France et à Orléans ce soir. Très bien. Donc, il a été le batteur de plusieurs grands artistes. Oui, André Williams notamment. André Williams, oui, par exemple. Un grand bluesman qui était sur le label Fortune, puis Motown, Chess Records, le label de Chicago. Et Craig donc a joué avec à Los Angeles. C'est à Los Angeles qu'il a rencontré, qu'il est parti à Los Angeles pour jouer avec André Williams, et ça a été le début de l'aventure à Los Angeles, parce qu'il a sillonné les USA d'est en ouest, du nord au sud, de New York, en passant par Minneapolis, puisqu'il a joué avec des musiciens de Prince. Il a vécu pas mal d'années là-bas avant de rejoindre la côte ouest. Ça nous fait rêver là déjà, tu nous racontes plein de choses comme ça, tu cites plein de gens différents. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est écouter déjà peut-être un morceau de André Williams. Avec grand plaisir. Donc le premier morceau qu'on a calé, il s'appelle Bacon Fat. Bacon Fat, ouais, le gras du bacon. Le gras du bacon, ouais, c'est ça. Ah oui, ça donne faim déjà. D'accord, bah voilà, c'est vrai qu'en plus c'est l'heure. Hein, alors, oui. Des fois, il y a des gens qui vont peut-être passer à table là. Enfin, quand on commence à leur parler un petit peu de nourriture, il y en a certains, ça leur donne faim. N'empêche qu'on va écouter de la bonne musique, hein. Vous pouvez manger pendant ce temps-là, il n'y a pas de souci. Et on écoute ce premier morceau, et puis après on se retrouve à nouveau pour discuter encore et découvrir donc tout le travail de notre invité, Craig Waters. Bon appétit. Bon. Tennessee. All my friends was glad to see me. Seen some down by the railroad track. Seen some cotton pickers with their sacks on their backs. They say, man, we're glad to see you back. We got a new dance they call bacon fat. It goes. Oh, have mercy. Help yourself, young. Then you go. Oh, but the chicken was never like this. Yeah. Oh, I feel like I want to holler, but the town's too small. Have mercy. Now then I went down to see my local DJ. His name is Kane, he lived down Tennessee way. I said, hey man, what's this new kind of jump? Well, you wind up twice and then you end up with a bump. He said, dig daddy, this is a natural fact. It's a sweep in the south, that thing, the bacon fat. You go, oh, have mercy. Entertain the people, young'un. Oh, help yourself. Oh, have mercy. Play it good, now play it good. Donc le premier morceau, hein, donc là, on part vraiment, c'était au début, c'était les années 60. Les années 60, hein. Oui, et en fait, c'est un grand bluesman, André Williams, et beaucoup de spécialistes le considèrent comme le premier rappeur, puisque sa façon de chanter, de parler sur ses chansons, c'était le précurseur, sinon l'un des, peut-être le précurseur du rap, du hip-hop aux États-Unis. D'accord, très bien. En tout cas, et ça change un petit peu de ce qu'on écoute aujourd'hui. C'est vrai que chaque musique un petit peu correspond à une époque. Oui. Et là, on est retourné un petit peu dans les années 60 et c'est pour notre plus grand plaisir, en tout cas. Ah oui, c'est formidable. Donc on va écouter, peut-être on enchaîne directement un deuxième, parce qu'on a beaucoup de morceaux, tu nous as préparé beaucoup de morceaux, je sais pas si on aura le temps de les diffuser tous. Oui. L'important, c'est de parler de Craig. Craig, oui, a joué avec des artistes de grand nom et avec une grande discographie. On a vraiment le choix dans la programmation. D'accord. Alors, ce qu'on va dire aussi, c'est qu'il a accompagné plusieurs artistes. On va diffuser plusieurs morceaux de plusieurs artistes différents, ses différents projets, etc. Et on garde la cerise pour le gâteau, parce que ce soir, si Phil il est là, Phil Twangy est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est parce qu'il a amené sa guitare et Craig a amené sa caisse claire. Donc on aura un petit peu de live en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On va faire de la radio à l'ancienne, comme on aime, quoi, en tout cas. C'est le top. Phil Twangy et Craig Waters. Quelque chose d'inédit. En fait. Oui, quelque chose d'inédit, en plus. Duo inédit. Parce que, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les émissions, on prépare toujours un petit peu, un minimum. C'est vrai que ça se fait après au feeling, oui. Pendant qu'on fait l'émission. Mais on s'était retrouvés, et puis vous avez pris le téléphone, vous avez appelé Phil, et vous avez dit, Phil, t'es dispo pour vendredi, tu viens à la radio. Et Phil est là, et donc ça nous fait plaisir. Il a fait de la route, il a fait de la route pour venir jusqu'ici. Et en plus, c'est 40 km, c'est pas non plus... Ah, quand même, hein. Je viens pas de Los Angeles, moi. Ah ouais, Los Angeles, ça fait beaucoup plus loin. Ça fait combien de kilomètres? Ça fait 11 000 kilomètres. Ah ouais, ouais. Parce que déjà, pour aller aux États-Unis, c'est une chose, mais après, il faut encore traverser les États-Unis. Vous voyez, tout le territoire. Très bien, et puis on est content en tout cas de l'accueillir ce soir. On va écouter un autre morceau qui s'appelle... j'arrive pas à dire le truc d'ici. Ça devient compliqué. Hein. Alors, Only Black Man in South... Oui, Dakota. Le seul homme noir dans le Dakota du Sud. D'accord. Donc, c'est encore un morceau. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y en avait peut-être pas autant. Je ne sais pas. Surtout dans le Dakota du Sud, c'est la frontière du Canada et il y a beaucoup d'humour dans ce titre. D'accord, très bien. On l'écoute tout de suite et puis on se retrouve juste après. case, forbidding all other monkeys to come and taste. Now if I put a fence around this tree, starvation would force you to steal from me. Yeah, the monkey speaks his mind. Here's another thing a monkey won't do: go out on the night and get on a stoop, or use a gun, a club, or a knife to take another monkey's life. Yes, man descended the worthless bum, but brothers from us, he did not come. Yeah, the monkey speaks his mind. Yeah, the monkey speaks his mind. The monkey speaks his mind. Talk, monkey. Speak, monkey. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, il y a un petit peu de monde dans le studio. Alors, je représente à nouveau tous les gens qui sont ici. Alors, cette émission aujourd'hui est consacrée à Craig Waters, qui est le batteur des Bell Rays. Voilà, j'ai tout bien dit. Ensuite, il y a Bertrand qui est là, qui va nous traduire, parce que Craig comprend bien le français, ça va. De il parle un petit peu. À la fin de l'émission, on va parler couramment. Il va apprendre. Et en attendant, t'es là pour nous aider un petit peu, parce que effectivement, on est sur Orléans et la plupart des Orléanais parlent le français. Et oui. Il y en a quelques-uns aussi qui parlent l'anglais, parce que finalement, dans le studio, vous parlez tous bien anglais. Alors, on se débrouille. Il y a aussi Phil Twangy qui est là aussi. Anglophile ici. Et il y a aussi une personne qu'on n'a pas présentée, c'est Didier. Ça va, Didier? Ça va, mais... Le chroniqueur habituel de l'émission Mavrica. Hein. I'm sorry, I don't speak. Yes, you do. Voilà. On va tous faire l'effort de parler un petit peu anglais, mais bon, après, il faudra nous excuser un petit peu. Surtout, moi, on me dit souvent que j'ai l'accent. Hein. J'ai un accent quand je parle anglais. C'est l'accent ça, charme. Du nord de Munich. Bah c'est pourquoi pas. C'est pas le bon. C'est le breuvage. Voilà, très bien. Donc là on vient d'écouter deux morceaux. Alors on a écouté alors j'essaie de les retrouver en même temps parce que comme je change de page sur mon ordinateur. Only Black Man in South Dakota. Voilà, donc c'était André Williams. On a écouté donc Only Black Man in Black South Dakota. Ah, il manque Black. André. J'ai pas mis Man, moi. Only Black Man in South Dakota. C'est très bien, je vais rectifier sur le programme de l'émission Africa parce qu'on peut retrouver le programme sur le Facebook de l'émission. Donc tous les morceaux que vous écoutez, s'il y en a qui vous plaisent, eh ben vous pouvez connaître les titres et puis après les écouter à votre tour. D'ailleurs, Didier a écouté aussi. Il m'a dit c'est bien ce qui passe. Ah, bien sûr. Il dit c'est bien parce que c'est vrai que c'est des morceaux qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'écouter. Pas assez, et donc il m'a dit tu me les passeras les titres et tout ça, donc je vais passer les titres et on a enchaîné avec un autre morceau qui s'appelle The Monkey Speaks His Mind. Exactement. Voilà, donc deux morceaux à la suite. Pourquoi? Parce qu'on en a beaucoup à diffuser. Oui, il y en a beaucoup à connaître. Donc il faut savoir que Craig Waters a été le batteur donc d'André Williams. Et tu avais une question aussi à poser. Ça n'a rien à voir. Parce que Williams, à mon avis, il y a du white et il y a du black. D'accord. Très bien. Williams, c'est très courant. C'est du pont dur en France. Ah oui. Voilà. Williams, c'est vrai qu'on connaît. Il y a beaucoup de noms comme ça qui reviennent. Très répandu. Des fois, il peut y avoir des ramifications. Oui. Après, oui. Ça pourrait plus être Big Joe Williams à ce moment-là, mais ça aurait pu plus se rapprocher. Enfin, donc là on a écouté deux morceaux à la suite. Alors c'est des morceaux qui ont été enregistrés dans les années 60 aussi. Hein, oui. On reste un petit peu dans ces eaux-là. Fin 60, ouais. Les versions originales. Ah oui, parce que ces versions-là, à mon avis, sont plus récentes. Oui, si mais je me fie au son. Les compos sont fin des années 60. D'accord, donc on en a encore trois autres à diffuser, donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cet artiste? Qui est mort, malheureusement. Ouais. Ouais, il nous a quitté, voilà. Mais il a vraiment vécu. Il a laissé de belles œuvres, en tout cas. Oui, et puis il a sillonné le monde entier, hein. Ils sont allés sur tous les continents. Craig a tourné 2 ans avec André Williams en Europe, sur tout le continent américain, au Brésil, en Australie, au Japon. Sur toute la planète, hein. Et c'était vraiment une expérience incroyable parce que André Williams, il avait toute l'expérience des années 60. Il a vécu, il a eu plusieurs vies en une seule et il a beaucoup d'anecdotes par rapport aux tournées, par rapport à la vie ensemble, en groupe, sur la route et à jouer dans des clubs ou dans différentes salles. C'était toujours des nouvelles histoires chaque jour sur la tournée, sur les concerts. Très bien. Alors toi, Craig, ça fait combien d'années que tu es musicien, finalement? Bon, t'as été musicien déjà depuis la naissance, on l'a compris, hein, depuis les années 70. Mais en tant que musicien professionnel et que tu accompagnes d'autres artistes, ça fait depuis combien de temps? As a professional musician, for how long have you been playing as a professional musician? Since I was... Actually 18 years old, depuis l'âge de 18 ans, il a commencé à être professionnel et il en a 55. Performing in bars professionally. Donc, ouais, il a l'expérience de batteur professionnel et de musicien professionnel depuis qu'il a 18 ans. Très bien, ouais, donc c'est une bonne carrière. En plus, oui. Il a fait plusieurs styles différents, donc on va l'écouter, on va découvrir au fur et à mesure. Même du métal. Même du métal, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas de morceaux, on n'a pas choisi de morceaux de métal, parce qu'il ne voulait peut-être pas mettre ça en avant. Mais on n'a que 3 heures. On n'a que 3 heures, et comme on va le rappeler, la dernière heure, il y aura du live. Du live. Direct. Alors là, on va se régaler. Moi, je ne sais pas jouer de métal, je suis désolé. Tu vas faire un effort. Est-ce que tu dis que tu es métal? Phil, je vais t'expliquer. T'as des boutons, tu mets tout à fond. Et là, tu fais du métal. Quand ça distord dans tous les sens. Surtout avec la guitare qu'il a, je sais pas si le son va être bon pour le moment. Ouais. Je crois qu'il y en a qui vont se retourner dans leur tombe s'ils entendent ça. On a déjà les voyants rouges. Les voyants rouges. Et moi, de mon côté, je peux mettre aussi, je vais tout saturer ici, comme ça, ça fera du métal. Ah. Non, mais c'est pas le but. Le but, c'est faire de la bonne musique. Oui. Le métal aussi, c'est la bonne musique. Oui. Quand elle est bien faite, etc. Et ce soir, on va plutôt faire du style, peut-être plus rockabilly, non? Ouais. On peut taper dans le répertoire des Happy Go Lucky, bien sûr. Ah bah oui, avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, on s'est déjà vu à plusieurs reprises. J'ai vu l'autre Phil. J'aurais bien aimé être là ce soir. Tu aurais bien aimé. Bon, de toute façon, allez, ce n'est que partie remise. Ouais. Vous reviendrez ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter justement ce groupe-là qu'on diffuse déjà depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs, tu m'avais dit que bientôt il y aurait des nouveaux enregistrements et on va faire une pré-maquette la fin novembre et on va rentrer en studio à la mi-décembre. D'accord. Et puis dès que vous êtes prêts, on prend rendez-vous. Vous venez dans les studios et on passe. Il y a déjà un studio là. Oui, mais c'est pas la même chose. Ici, nous, on n'a pas la prétention d'être un studio d'enregistrement. Un studio légendaire où on a déjà enregistré le Tanguy en Tom Trio, par exemple. Oui. Arc-en-ciel. Jamax. Ah, oui. Ouais, sur Arc-en-Ciel aussi, sur un studio légendaire, il faut quand même le dire. Le nombre d'artistes qui sont venus jouer ici dans les studios de Arc-en-Ciel. D'ailleurs, j'ai repartagé un petit souvenir, je sais pas si vous l'avez vu sur le Facebook de l'émission Mavrica, sur le mur. C'était Benoît, le batteur des Prisma et des Blues Factory et des Blues Revenges. D'accord. Actuellement, qui nous mettait un petit souvenir, c'était les Blues Factory qui étaient venus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et à cette occasion-là, le son est super bien, l'ambiance est super bonne. Ça date déjà d'il y a quelques années. Et à cette époque-là, il y avait Jean-Marc Radisson qui était le guitariste, qui malheureusement nous a quittés. Et le revoir comme ça, sourire et tout ça, c'est que du bonheur. C'est émouvant. Oui. Donc on pense bien à Jean-Marc. Et puis le show must go on. C'est-à-dire qu'on doit continuer toujours à faire la musique, même s'il y a des fois des gens qu'on a rencontrés, on a fait un bout de chemin avec eux et après ils nous ont quittés, mais la musique doit continuer et je pense qu'ils seraient contents de revenir ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel parce que c'était quelqu'un de très très très bien, très attachant. Voilà, très attachant. Voilà, donc on va continuer à découvrir 2 autres morceaux de André Williams. Oui, avec Cadillac Jack et Jailbait. Yes. Cadillac Jack, le grand tube. Je suis vraiment nul en anglais. Ah, mais on a tous compris. Vous avez tous compris. C'est bien. Et c'est vrai que l'anglais, c'est peut-être une des langues les plus parlées, mais elle est très mal parlée dans tout le monde. Hein, si on regarde bien, elle est parlée avec un tas d'accents différents. On se comprend. Mais on arrive à se comprendre. C'est le principal. Ouais, c'est ça. Puis les accents ont leur charme. leur accent, les accents, leur charme. Ça me rappelle, j'ai reçu aussi une anglaise qui s'appelait Fiona, qui était dans le groupe Itch, une vraie anglaise, qui parlait, je sais pas si vous la connaissez, elle avait son accent anglais, qui me rappelle un peu Jean Birkin aussi, et quand elle parlait français, mais avec cet accent-là. Et elle nous avait dit, mais on aime bien les Français qui parlent en anglais parce qu'elles trouvent ça très sexy. Voilà, donc continuer. Ça c'est dit. Alors gardez votre accent français, ça plaît aux anglaises, c'est important. Voilà, on écoute tout de suite André Williams. On the south side of Chicago lived a guy named Jack. Dream it was to someday own a Cadillac. He gambled for his money. The first thing you know, up popped Jack in a brand new Eldorado. It didn't matter. He had no place to stay. He slept in his car at night and he drove all day, hustling for a living. He could really shoot pool and didn't think it was necessary. Stay in school. A long white Cadillac was his claim to fame, and every year he bought a new one to keep up his name. What's the dude's name? Cadillac Jack. Joe was a man. Life was good to Jack, and he thought he had it made. Till he started fooling around with another fella's babe. Jack had a way with women and he couldn't understand why this girl refused him to stay with her man. Jack said, now listen, baby, and grabbed her by the arm, 'cause he just had to show her how good he could charm. With no word of warning came a bust of light as Jack made his final mistake that night. Talking real loud, drawing a crowd. You knew his name really made him proud. What's the dude's name? Cadillac Jack. Joe was a man. Now Jack was a legend on our side of town. Too bad the girl's boyfriend shot him down. A few days later, Jack was flat on his back, getting his last ride in a long, long, black Cadillac. That was Cadillac Jack. Sure was a man. I'm running, yes, before it's too late, trying to get away from that jail bait. It's a rough temptation, but a common invitation and a good association, but a quick elimination that will take you out of circulation. Yes, I'm talking about that younger generation. So take my advice, fellas, for goodness sake. 15, 16, 17, that's jailbait. Now they swear that they're in love, that you and her are my stars above, and she's looking mighty good, just like a young girl should. We try to tell you no, and let that young girl go, but you know it all. You have yourself a ball, and And now that it is too late, as you look from cell number 8, I tried to tell you, old mate, ½ is still jail bait. So tomorrow's the date for the trial of jail bait. And this you watch and see. The young girl will go free, and you'll get 1 to 3. So out the door she walks, to another man she talks. Before you can count from 1 to 8, another man in for jail bait. Please, Mr. Judge, if you just let me go this time, I ain't gonna mess with them young girls no more. I swear I ain't gonna bother no more, Mr. Judge. I ain't gonna bother none 15. I ain't gonna bother none 16. I ain't gonna bother none 17. I ain't gonna mess with none 18. I'm gonna leave that 20 old ones alone too. I'm gonna get my girl about 42. If you just believe what I say, let me go, Mr. Judge. Mr. Judge, I ain't gonna bother young girls no more. Give me a break, Mr. Judge. Please, Mr. Judge. Voilà, donc un petit retour, on a fait un petit voyage dans le temps et puis aussi dans l'espace, hein, puisque c'est un artiste américain qu'on vient d'écouter, c'est André Williams, avec deux morceaux à la suite. On a écouté Cadillac Jack et Jailbait. Jailbait, oui. Voilà, j'ai appris quand même, tu vois, je progresse. Hein. Super. Je suis sûr qu'à la fin de l'émission, je parle l'anglais couramment. Et on va discuter avec Craig, parce que c'est vraiment un plaisir de l'avoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, pour nous faire connaître tout son travail, puisqu'il a été le batteur donc de André Williams. Il a été aussi le batteur de Cody Chesnutt. Et il est actuellement le batteur des Bell Rays. Depuis 2003. Et il a aussi des petits projets comme ça. Il a des morceaux qu'il va nous faire écouter. Donc on a plein de choses à envoyer et puis il y a Didier qui est passé de mon côté qui m'a dit dis donc il y a tout ça de prévu, ça va être juste, donc il va falloir peut-être qu'on raccourcisse un peu. Il y a certains morceaux qu'on n'aura peut-être pas le temps de passer, parce que la dernière heure on va essayer de la consacrer aussi au live puisque c'est la rencontre de l'ancien continent avec le nouveau continent, on va dire ça comme ça. Donc c'est la Californie qui revient avec un artiste de Californie, de Los Angeles, qui vient avec un artiste de la Old Orleans. Voilà, on va dire ça comme ça. Exactement. Et même de Sologne en ce moment. Même de Sologne. Voilà, donc Phil Tanguy est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et il a amené sa guitare et donc Craig a amené aussi sa caisse claire et il va y avoir des petits lives en fin d'émission. Donc on a écouté un morceau, je pense qu'on va peut-être passer directement à Cody Chesnutt, parce que comme on en a beaucoup, on n'aura peut-être pas le temps de passer tout, donc voilà. Craig a commencé à jouer avec Cody Chesnutt en 2000. En 2000. Et il l'a rejoint à Los Angeles également. Et Cody Chesnutt a joué avec le groupe The Roots, qu'on voit souvent sur les télévisions et en tournée un peu partout dans le monde, un groupe de hip-hop. Et donc Cody Chesnutt est un artiste essentiellement de soul music. Et Craig l'a accompagné pendant plusieurs années. Donc c'est un plaisir d'écouter ses morceaux. Très bien. Donc, alors, je t'avais dit effectivement que les morceaux de André Williams, on a réussi à les avoir très facilement. Ceux de Cody Chesnutt, avec beaucoup plus de difficultés. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y en a un qui passe pas dans le lecteur. Bon, on va passer au suivant. Donc, Cody Chesnutt, on va écouter peut-être un morceau qui s'appelle What Kind of Cool. Avec plaisir. Voilà, parce que le premier, apparemment, il y a un petit souci. Effectivement, c'est pas toujours évident de récupérer des fichiers comme ça. C'est vrai. Et on a passé pas mal de temps, mais on a de quoi faire pour l'émission. Donc, on enchaîne directement avec Cody Chesnutt, avec un morceau qui s'appelle, je viens de What le dire kind un instant, of What cool. Kind of Cool. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. to stay fly in the hardest times, but what we don't know is that ain't gonna be enough. Know how to front, know how to hustle, know how to boost to get dressed and fake it till we make it, but what we don't know is that ain't gonna be enough now. Well, what kind of cool thinking next? What kind of cool thinking next? What kind of cool will we think of next? What kind of cool will we think of next to hide behind? Know how to cut, know how to rap and bang, and how to get paid with a corner pickup game. Know how to chase the fame, but it ain't gonna be good enough now. We put it on, turn it up, and do it loud and say that we live. We pour it on, throw it up, and deny that we ever get it. Know how to taste, know how to slide by, and how to take a break on the man's 9 to 5, about to realize that it ain't gonna be good enough now. Oh, baller, what kind of cool will we think of next? What kind of cool will we think of next? Oh, what kind of cool? What kind of cool? What kind of cool? Will we hide behind? What kind of cool, what kind of cool, what kind of cool, yeah. revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que c'était cool, ça. C'était bon, ça. C'est franchement, il y a des morceaux comme ça que on écoute plus ce genre de musique dans beaucoup de radios, et c'est bien dommage. Hein. Heureusement, il y a quelques radios spécialisées. Et aujourd'hui, sur Radio Arc-en-Ciel, je pense que toutes les autres radios doivent nous envier d'avoir Craig ici et d'écouter des morceaux comme celui qu'on vient d'entendre. Beaucoup de finesse. Donc, de Cody Chestnut. Donc, un morceau qui s'appelle What Kind of Cool. Ouais, c'est vraiment cool, en tout cas. Très bonne musique. Il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de tout ça. Hein. Non, c'est des vrais musiciens. Une voix exceptionnelle. Ouais. Et un feeling incroyable. D'accord, bah super. Donc on a encore deux autres morceaux qu'on va écouter. Till I Met Thee. On va écouter Till I Met Tree, c'est ça? Thee, ouais, c'est You en vieil anglais. D'accord. That's Still Mama. Voilà. Exactement. Donc les deux morceaux qu'on va écouter juste après. Je voulais savoir, Craig a accompagné donc cet artiste Cody Chestnut jusqu'à quel moment? 2000 à 2003. Pendant trois ans, ils ont été sur les routes et ils ont joué vraiment partout. You played in many states, in many countries with Cody Chestnut. Mm-hmm. All over the U.S. and in Australia. Australie, Europe. USA. Europe, essentiellement, c'est UK, trois pays. France, Spain. Alors en Europe, l'Angleterre, Écosse, Irlande, France. Et c'était un plaisir de tourner avec ce chanteur. Un grand, grand feeling et une voix incroyable. Tu m'étonnes. Ouais. Là, on écoute ça, franchement. Un traitement du son perfectionniste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit, voilà, les nouvelles technologies. Heureusement, aujourd'hui, n'importe quel musicien ou quelqu'un qui est passionné peut avoir du matériel beaucoup moins cher. À l'époque, aller en studio, c'était quelque chose de phénoménal. Oui. Donc, ça coûtait très cher, le matériel coûtait très cher, et c'était pas aussi facile de s'en servir. Les gens, finalement, à l'époque, avaient quand même une bonne oreille. Oui, et puis à force de jouer tous les soirs, ils ont un métier incroyable, une expérience du son, de s'adapter dans n'importe quelle salle, dans n'importe quelle pièce, c'est incroyable. Ouais, ça j'ai déjà pu le voir à de nombreuses occasions. Des fois, il y a des gens qui viennent ici, des professionnels, et je vois qu'ils se cassent pas du tout la tête. Ils arrivent, ils posent leur matériel, ils jouent, et puis voilà, et ils s'adaptent, quelle que soit la pièce. Et des fois, il y en a d'autres qui sont un peu plus exigeants, que c'est beaucoup plus difficile pour s'adapter à la pièce, etc. C'est comme les 4x4, les tout terrain. Ils sont tout terrain, donc très bien. On écoute deux autres morceaux, on va les écouter. À la suite, et puis après on se retrouve à nouveau pour l'émission numéro 660. Alors tout à l'heure il y a Didier qui me disait, tu l'as pas dit que c'était la 660? Mais si, je l'ai dit. Si. J'ai même bien dit que bientôt la 666 allait arriver. Ça passe et vite. Que on va essayer de la réserver pour un groupe qui nous l'a demandé déjà depuis de plusieurs années. Donc voilà, 666, bon, c'est le truc du diable, hein, voilà. Et puis c'est un groupe forcément de métal ou de hard rock, en tout cas, qui sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, on va continuer donc avec de la bonne musique. Alors, Didier a fait le petit calcul, ça serait le 12 du 12. Mais je crois qu'il va y avoir des trous aussi. Donc on va essayer de recalculer ça, parce qu'il faut vraiment qu'on invite les gens le jour J, hein, parce que sinon ça sera le 665 ou 667. Et d'accord. Ça fera. Voilà, on écoute donc toujours Cody Chestnut avec Till I Met Thee. Yes, it's biblical. And that's still mama. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, et nous sommes en compagnie de Craig Waters. A stranger. Treat her any way. Nothing to do. That's still mama. remember mama. And I remember mama. Voilà, jusqu'à la dernière note, donc des bons morceaux dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika, donc des morceaux de Cody Chestnut. On en a écouté deux à la suite, donc on a écouté Till I Met The, et Datil Mama à l'instant, donc une superbe voix, vraiment on est dans une atmosphère super feutrée, super l'héritier, l'héritier de Marvin Gaye, carrément. Ouais, carrément. Et puis donc on peut préciser que notre invité de ce soir, Craig Waters, est le batteur. A été le batteur pendant 3 ans. De 2000 à 2003, si j'ai bien récapitulé. Donc voilà, encore une période de sa vie. Et là, on va attaquer la troisième période. Hein. Une grande période, puisque il est toujours actuellement le batteur des Bell Rays. Oui, de Los Angeles. Et on va écouter plusieurs morceaux, parce que là, franchement, moi, j'ai découvert ce groupe. J'ai écouté... y a plein de trucs dedans. Il y a plein de bonne musique. Il y a plein de... tu te dis, ouais, c'est un groupe de... De rock, un peu punk. Ils ont le côté un petit peu punk. Et puis, la voix formidable de la chanteuse. Ouais. Donc, on va parler de ce groupe là et on va écouter aussi de bons morceaux. Alors pour tous ceux qui connaissent pas encore les Bell Rays, vous allez voir, vous allez prendre une bonne claque, parce que franchement c'est un superbe groupe. J'ai adoré aussi découvrir tous les différents morceaux. Alors on en a prévu beaucoup, je sais pas si on aura le temps de tous les diffuser, mais bon, on va essayer d'en passer le maximum, et puis les meilleurs, tu pourras aussi me guider un petit peu si tu veux. Avec plaisir, et le live est incroyable, enfin c'est un groupe à découvrir en live. Hein. En live, ouais, je pense. Ouais, c'est d'avoir une énergie pas possible. Alors là, moi, j'ai découvert aussi les morceaux en studio, les morceaux des albums que tu m'as envoyé. Oui. Et il y a aussi, j'ai vu, il y a énormément de vidéos où on les voit sur scène, parce que je crois que effectivement, c'est un groupe de scène, quoi. Ils n'arrêtent pas. Ils sillonnent le monde entier. Ils étaient encore en Europe, en Angleterre, là récemment. Et donc Craig a rejoint la France directement depuis l'Angleterre, mais avant ils étaient aux États-Unis. En plus, ils conduisent le camion la journée, ils jouent le soir, enfin, ce sont des marathoniens de la musique. Des vrais troubadours, des vrais musiciens, parce que c'est vrai qu'il y en a certains, aujourd'hui, il y a des musiciens hein, qui continuent de vendre des disques alors qu'ils ont fait un seul succès, et puis ils sont milliardaires alors qu'ils ont jamais tourné. C'est ça. Et à côté de ça, il y a des vrais musiciens qui, eux... qui composent sans arrêt. Qui composent, qui se déplacent, qui sont toujours en tournée, qui jouent un soir dans un bar, le lendemain dans une grande scène. C'est ça. C'est leur métier, et c'est ce qu'ils aiment, et puis... C'est pas un métier de tout repos en tout cas. Et ce soir, Arc-en-Ciel. Ouais, sur Radio Arc-en-Ciel. Donc, ça fait partie aussi. Est-ce que Craig, il a déjà fait aussi de nombreuses autres radios, par exemple aux États-Unis, etc. Have you been in many radios in the USA? Like tonight? Here and there, yes. Oui, quand même, dans différentes villes. Last one I remember we did most recently was in New Jersey. La dernière aux États-Unis, c'était dans le New Jersey, parce qu'ils ont traversé d'ouest en est de Los Angeles jusqu'à New York, et ils se sont trouvés dans le New Jersey, la région de Bruce Springsteen. Yes. Une radio, le boss, oui. Une radio du New Jersey. Ouais. Donc c'est bien, parce que il y a le mot Bruce Springsteen. On a commencé à faire la phrase, on savait même pas qu'on allait parler de cette personne de légende. Hein, quand c'est, même. Ouais, c'est vrai qu'on en parle assez peu ces temps-ci, en plus. L'incontournable. Et en plus, il aime beaucoup son président. C'est aussi ce qui revient assez souvent, c'est qu'il apprécie énormément son. Oui, on en parle beaucoup. C'est pas tellement pour ça, c'est qu'il y a un biopic qui sort. Hein. Oui, tout à fait. Avec un acteur. Je suis pas encore allé voir le film, mais il est disponible. Hein, on peut aller le voir. Il est sorti. Ouais. À voir. Très bien. Donc tout à l'heure, on peut le demander tout de suite à Craig. Quelles sont ses influences? On a parlé de Bruce Springsteen. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a influencé, qui l'apprécie? Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui l'auraient marqué? We were talking about Bruce Springsteen, but what are your principal influences in music? Oh man, vaste sujet. Yeah, it's a wide range, a very eclectic, très large, eclectic. Range of influences, starting with obviously the 70s rock and roll. Ça a commencé par le rock des années 70. Mon bon père est batteur aussi. Son beau père était batteur professionnel. Ça a été sa formation. Une grande culture musicale, batteur jazz, de jazz. Latin jazz. Soul. Il a commencé par ça, Latin jazz, puis la soul. It depends on when you ask me. Beaucoup d'influences, c'est tellement large. C'est rien que dans un seul style de musique, il y a plusieurs musiciens, plusieurs influences. Et puis, ce serait bien dommage, comme on dit souvent, de s'arrêter à une seule musique, parce qu'on a besoin d'écouter plein de choses différentes. Ah oui, avec Craig, on est servi. Hein, c'est très, très, très riche en style de musique et que de la qualité. Très bien, donc on va enchaîner avec de la bonne musique, puisque là, on a déjà écouté deux artistes à la suite. Oui. Dont Craig a participé. Oui, collaboré avec eux. Voilà, chercher le mot. Aujourd'hui, les mots, ils me reviennent pas comme ça si facilement. On est vendredi soir, c'est ça aussi. Et là, maintenant, on va voir, donc, avec les Bell Rays. Donc, le groupe Bell Rays, Craig les a rejoints à quel moment? In what year have you started playing with the Bell Rays? Bell Rays, I started 2003. En 2003. 2003. À Los Angeles, à Riverside, très exactement. Mm-hmm. Dans la banlieue est de Los Angeles, où ils sont toujours d'ailleurs, à Riverside. Très bien, on écoute un morceau déjà pour faire apprécier à nos auditeurs le son des Bell Rays. Alors le premier morceau qu'on va caler s'appelle Black Lightning. Beaucoup d'énergie. Ah oui, non, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup d'énergie, mais il y a aussi des changements de rythme. On pourrait s'attendre à justement des groupes de rock, des fois, qui font toujours à peu près la même chose. Et là, moi, j'ai écouté l'album, et à chaque fois, les chansons sont différentes les unes des autres, et c'est ce qui rend agréable l'écoute d'albums comme ça, quoi. Merci, Craig. Merci, Craig. En tout cas, on va écouter tout de suite les Bell Rays avec Black Lightning. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. donc c'était les deux premiers titres. On a envoyé deux morceaux à la suite du groupe Les Bell Rays and the Bell Rays. Donc on a écouté Fire on the Moon, donc le feu sur la lune, et pas que sur la lune, sur Radio Arc-en-Ciel aussi, avec les morceaux comme ça. Et Black Lightning, donc deux morceaux des Bell Rays. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus? Quels sont les membres des Bell Rays? Est-ce qu'ils peuvent nous présenter ça? C'est important de parler de l'humain, des gens qu'ils ont derrière. The Bell Rays are four musicians. You can talk about them, about the four of you. Yeah, it's basically Bob and Lisa. C'est Bob et Lisa. Bob, c'est le guitariste, compositeur, et Lisa, c'est la chanteuse. Mm-hmm. There's been different lineups over the years. Il y a différentes formations, mais la base, c'est la chanteuse Lisa et le guitariste Bob. Et après, il y a le bassiste et le batteur. Donc, mm-hmm. Il y a différents bassistes. Yeah, the latest lineup is with Bob and Lisa, of course, and me on drums and Nico on bass. Alors la formation la plus récente, c'est Nico Miles à la basse et Craig Waters à la batterie. Mais Craig est là depuis 2003, donc ça fait depuis 22 ans qu'il joue avec les Bell Rays, donc grosse carrière. Et Nico Miles, un bassiste plus jeune qui est très talentueux également et qui joue depuis quelques années avec les Bell Rays. Donc il y a eu différents bassistes. Oui. Mm-hmm. Moi j'ai connu Justin Andres, une grande période années 2000, et qui a joué avec Sting, qui a joué avec beaucoup de musiciens de grand renom. Justin a played with many famous musicians. Eric Burdon, oui. Oui. Animals. Yeah. Mm-hmm. Donc, Sting aussi, ils ont joué ensemble, avec beaucoup de musiciens américains et anglais. Et toujours de grands noms autour des Bell Rays. Donc la formation actuelle, c'est Lisa, Bob, Craig et Nico. Mm-hmm. Voilà, très bien. Donc voilà, ils sont quatre et c'est vraiment... Et ils envoient le feu. Ah, ils envoient le feu, là c'est le cas de le dire. Donc là, j'ai vu l'émission passe à une de ses vitesses. Je crois qu'on va arriver à la fin de l'émission. On n'aura pas le temps de tout diffuser. C'est pour ça que j'essaie d'envoyer le maximum de musique, parce qu'on est là pour faire découvrir justement ce groupe-là. Oui. Et on a la chance d'avoir parmi nous donc Craig Waters, qui est le batteur des Bell Rays. Oui. Et on va continuer à écouter d'autres morceaux. On va écouter le morceau suivant, s'appelle On Top. On va en envoyer deux par deux. On va faire comme ça. Oui. Parce que pourquoi? Parce que après, on va aussi parler des morceaux qu'il est en train de composer actuellement. Oui. On a encore ça à développer. Et il faut aussi laisser un peu de temps pour le live, parce qu'il y aura du live. Puisque Craig a amené sa batterie. Elle n'est pas au complet. Hein. Il a amené sa caisse claire et sa caisse claire. Je vais juste dire quelque chose après. Vas-y. Oui, vas-y. Juste que pendant qu'on écoutait les morceaux, moi, je me suis régalé parce que j'ai regardé Greg. Mais en fait, nous, l'avantage qu'on a ici dans le studio, c'est qu'on a le batteur. On l'avait aussi en live parce que il vit ses morceaux. Je l'ai vu, il était vraiment dedans. Et voilà, je savais quand il y avait des breaks et tout ça, il connaît le morceau par cœur, forcément. À fond, mais c'est vraiment ça met les poils. Ça met les poils de le voir comme ça, parce que c'est vraiment vivant. Parce qu'on est vraiment privilégié dans l'émission d'Eureka, c'est que les auditeurs qui nous écoutent régulièrement, ils écoutent des exclusivités, des morceaux qu'ils écouteront jamais ailleurs, parce qu'il y en a certains qui sont faits dans l'émission d'Eureka, ça sera le cas tout à l'heure. Mais en plus, nous, on a la chance, c'est qu'on a cette image, on a l'image qu'on a en direct. Alors c'est vrai que nous, on est dans le studio, on a l'image, et ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas capter à chaque fois les vidéos. Mais bon, limite, on pourra peut-être prendre un petit échantillon. Tu pourrais t'en occuper, toi, Didier. Quand ce soir, avec ton petit téléphone, histoire de. Je pense qu'au niveau du droit de l'image, ça posera pas de problème. Ouais, aucun problème. Et, je pense. Ça sera un petit souvenir. Deux, trois captations comme ça. Fait en live, c'est vraiment. Techniquement, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est le fait qu'il y ait le feu dans le studio. Mais j'avais juste une question à poser à Greg. Est-ce qu'il y a aux États-Unis encore beaucoup de radios qui font de l'interview, un petit peu comme dans le système de Mavrika, où tu as le studio d'un côté avec l'animateur et les musiciens qui viennent et qui font du live? Est-ce que ça existe encore beaucoup aux États-Unis? Are there still a lot of radios doing like tonight here, interviews like we do tonight? In the USA, there are still a lot of radios doing that. I would say so. Oui. Maybe not three-hour shows necessarily. Pas 3 heures de suite. non, on est des malades, nous. Right, and I'm not sure if it's regular oui, as often. Régulièrement, oui. Yeah, big cities, I'm sure. Dans les grandes villes, oui, il y a beaucoup de radios indépendantes, les universités. Là, c'est bien, oui. Ils peuvent être invités dans des émissions et interviewés. Mais yeah. C'est vrai que 3 heures, c'est un plaisir, on peut passer plein de morceaux et parler. Voilà. Right. Not so much mainstream, but probably like in the colleges. Oui, yeah. Surtout dans les radios de collège, c'est-à-dire les radios d'université. Là, mm-hmm. On peut être interviewé, passer nos morceaux. C'est vraiment le canal le meilleur pour les groupes indépendants. D'accord, bah super en tout cas. Une autre question, Didier ? Non. Donc, ouais, et on va envoyer du son, hein. Vas-y, on envoie du son. Parce que là, on est vraiment au top, c'est le cas de le dire. C'est on top. Donc le prochain morceau s'appelle On Top et juste après, ça sera Revolution Get Down. Yes. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverica et ce soir, Craig Waters est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et on écoute donc son groupe qui s'appelle les Bell Rays. Yeah. quelle pêche le groupe Bell Rays dans les studios Radio Arc-en-Ciel, donc représenté par le batteur qui s'appelle Craig Waters, et il est présent dans les studios. Et heureusement, j'ai l'appui de Bertrand qui est là pour m'aider à traduire un petit peu. Tu poses les questions, des fois il y a quelques questions qu'on lui pose, et toi, comme ça, tu peux nous le traduire. Tu te débrouilles bien, n'empêche. Bah, j'arrive à comprendre un peu l'anglais, mais je l'ai jamais pratiqué, donc c'est ça un petit peu ce soir. Que tu parles. Voilà, je parle anglais. J'ai déjà du mal à citer les titres, alors c'est un petit peu compliqué. Donc, on a présenté Bertrand, Craig et Phil Twangy est aussi là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il a apporté sa guitare, il y aura du live la dernière heure. Et il y a notre ami Didier qui est l'actuel chroniqueur de l'émission Mavrika et qui va bientôt avoir son émission le jeudi. C'est ça. C'est ça. Sur Radio Arc-en-Ciel. Oui. Ah, voilà. Avec grand plaisir. Le jeudi 14-16h. Voilà, une petite émission Didier Enco qui va parler un petit peu de tout. D'accord. De tout. Ouais, vraiment, tu auras des invités aussi. Toi, tu as envie de faire la radio à l'ancienne avec des gens qui parlent, quoi. Ouais, vrais. Parce que je trouve que ça manque un petit peu. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de radios, comme on disait, beaucoup de radios où c'est tout programmé, des ordinateurs et des choses comme ça. Ouais, et finalement, il y a beaucoup de musique et il n'y a personne derrière la console. Puis voilà, puis moi, j'aime le monde et j'aime. J'aime faire rencontrer, tu sais, j'ai toujours fait en photo et là j'ai envie de faire une prolongation à ça et de faire découvrir un petit peu plein de choses, plein de gens de la région. Je sais pas comment je vais me débrouiller tout ça, mais on va y arriver. On va y arriver, voilà. Très bien. J'ai un bon professeur. Alors qu'est-ce que tu penses ce soir de l'émission avec Craig? Ah bah moi je me régale. On se régale. C'est vrai, un vrai plaisir de découvrir plein de morceaux différents. Alors on a vu qu'il a accompagné plusieurs artistes différents et là les Bell Rays, voilà, c'est encore quelque chose de différent des précédents dans lesquels il avait joué. Et après il compose aussi des morceaux et qu'on va découvrir, on va en découvrir quelques-uns. Donc il a fallu qu'on cherche tous les morceaux qu'on voulait diffuser. On en a tellement qu'on n'aura pas le temps de diffuser tout dans l'émission, mais ça sera peut-être l'occasion pour qu'ils reviennent prochainement et pourquoi pas avec le groupe au complet, voilà. Why not? Why not? Très bien. Donc actuellement, Craig, il fait pas de concert, il est en France, il est venu. Il a son fils à Orléans. Ah, il a son fils à Orléans, voilà. Donc ouais, c'est voilà. Pour ça nous a permis de le rencontrer ici. Exactement. On a la chance. Et est-ce qu'il y aurait pas prochainement une tournée en Europe et peut-être à Orléans, peut-être. Ça serait avec grand plaisir. Donc il va falloir attendre un petit peu pour avoir des infos. Voilà, pour l'instant, c'est en stand-by puisque c'est enfin la famille. Donc, il y a eu beaucoup de mois de tournée et là, enfin, les retrouvailles familiales. Donc ça, c'est une très bonne chose avant de pouvoir repartir dans la musique et les tournées. D'accord, très bien. Donc, en tout cas, si jamais... Faut pas louper une occasion de voir les Bell Rays en concert. Un groupe à voir en live, c'est toujours un moment exceptionnel. On a plein de morceaux à diffuser. L'avantage, c'est qu'ils sont assez courts quand même. Hein, donc oui, c'est côté 3 minutes pour la radio, c'est parfait. Donc c'est vraiment voilà, c'est speed. Et on va continuer donc à découvrir d'autres morceaux. Alors bah oui, si j'ai pas la bonne fiche, effectivement, je trouverai pas le bon titre. Donc là, on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Revolution Get Down. Oui. Et on va continuer avec The Other Side. Yes. On fait comme ça? The Other Side. The Other Side, le groupe The Bell Rays. Bell Rays. Wasting time. Voilà, le temps passe très vite. On a déjà attaqué la troisième heure. On va attaquer ou on a attaqué à quelques... Ah non, il manque encore 8 minutes. Bon, allez, on a encore le temps d'envoyer au moins 2 morceaux. Ah oui. Très bien. Donc, il y a de quoi faire. C'est-à-dire que ce soir, donc, on a décidé de garder pour la dernière heure des lives. Donc, il y aura des interprétations en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, Un duo inédit. Pas tout à fait inédit, puisque j'ai vu qu'ils ont déjà joué ensemble. Oui, mais là, en duo... C'est en trio, ouais, avec l'autre Phil, ouais. Twangy Waters. Twangy Waters. Très bien. Donc, en plus, c'est un peu improvisé, hein. Je sais pas si... Complètement. Ça va être... Ouais, mais c'est ce qu'on aime aussi. La musique, c'est vivant. C'est quelque chose qui change. C'est pas... Un truc enregistré, c'est bien. On est à la maison, on n'a pas de musiciens, on met de la musique enregistrée parce qu'on n'a pas le choix. Mais si on a des vrais musiciens, bah, c'est le top de pouvoir les écouter en direct, quoi. Ce soir, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Très bien. Donc, on vient d'écouter deux autres morceaux. Alors, les morceaux qu'on a diffusés, là, moi, je connais pas les périodes exactement. C'est des morceaux plus anciens. Alors, des... d'après le son, on arrive à identifier les morceaux datés. Les premiers sont moins produits. Il y a eu l'album Black Lightning qui est beaucoup plus propre, plus produit. C'est plus récent. Donc, c'est vrai que les premiers albums étaient plus punk, plus roots. Et là, c'est un son plus clean avec les morceaux comme Black Lightning. Et ils ont fait pas mal d'albums. How many albums did the Bell Rays recorded? I think they have 13 or 14 albums. Oui, 13-14 albums enregistrés par les Bell Rays, ça commence à faire. Ouais, je suis en train de regarder parce que bon, en même temps moi j'essaie de connaître un peu mieux et puis je regarde aussi il va falloir que Wikipédia se mette un petit peu à jour. Oui. il y a des trucs qui sont pas tout à fait à jour mais non. En gros et puis là c'est pareil, je regardais aussi au niveau des albums, là il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oui. Donc à mon avis il en manque, ouais. Ouais, donc il va falloir qu'ils remettent un petit peu ça à jour, hein. Je sais pas qui on va appeler Los Angeles. OK. Donc voilà. Ça fait en tout une combien il a dit 13-14 albums. Mmh, c'est déjà et ils ont commencé dans les années 90, Craig les a rejoints en 2003, donc ça fait déjà 22 ans avec Craig. Et il est sur tous ses derniers albums et ça fait beaucoup de morceaux, beaucoup de chansons. Donc je voulais savoir un peu comment ça se passe parce que nous on imagine moi j'ai déjà été dans des studios d'enregistrement et tout ça. Alors lui il est déjà passé par plusieurs studios. Comment ça se passe? Est-ce que il préfère jouer en studio ou est-ce qu'il préfère jouer en live? Do you prefer to play live or in studio? What do you prefer? Two totally different planets. C'est deux planètes différentes. I love them both for different reasons. Il adore les deux. C'est deux métiers différents, c'est deux façons de travailler différentes. Live is more of an adrenaline rush. L'adrénaline, c'est formidable en live. And you're sharing the energy with the room. On partage beaucoup en live, en concert. And the studio, you're under a microscope, there's a lot of tension. Oui, c'est un travail de laboratoire avec un microscope, le studio, c'est carrément autre chose. Different challenges. C'est deux challenges différents qui n'ont rien à voir. Yeah. Mm-hmm. Les deux le passionnent. Ouais, s'il a enregistré dans des studios différents, est-ce qu'il voit une grande différence entre la manière de travailler des différents ingénieurs ou alors c'est toujours à peu près pareil? Do you notice the difference between the engineers, sound engineers? Are they different from each other? Oh yes. Oui, très différent. Chaque ingénieur du son a sa façon de travailler à lui propre et à chaque fois c'est très différent. Donc c'est intéressant de travailler à chaque fois avec une personne différente puisqu'on apprend. On apprend la façon dont l'ingénieur travaille. Does Jimi Hendrix sound different than Eddie Van Halen? Oui, Jimi Hendrix sonne complètement différent d'Eddie Van Halen et les deux sont géniaux. Mm. Engineers also. Pareil pour les ingénieurs du son. Yeah. Voilà, c'est pour ça que à chaque fois les artistes ont un choix particulier par rapport au studio qui les enregistre parce que oui. C'est ce qui va donner la couleur finalement. C'est exactement ça. Aux différents morceaux et aux différents albums, on voit des fois la qualité du son qui est différente, la prise de son qui est différente suivant les époques et suivant les studios dans lesquels ils ont enregistré. Oui, parfois le son est très roots, mais un public aime ça. Parfois oui, c'est plus propre, plus produit, et un autre public aime ça, donc c'est vraiment très personnel, c'est vraiment subjectif. Donc les expériences sont à chaque fois très très intéressantes. Très bien, donc on va continuer à explorer un petit peu l'univers des Bell Rays. Ah oui. Parce qu'on a encore plein de morceaux, je ne sais pas si on aura le temps de tous les diffuser, mais on va continuer quand même au maximum. Donc le prochain morceau s'appelle Everybody Get Up. Get Up. Et yes. Le suivant c'est Mine All Mine. Ok. Ok. C'est parti. Let's go. I can give you Et forcément, ça finit très. On était presque surpris. Ça finit vraiment très rapidement. Voilà. Donc, on a écouté deux morceaux des Belges Rays à la suite. Et j'ai pas eu le temps de caler autre chose. Donc, on vient dans les studios Radio Arc-en-Ciel et on va continuer à discuter un petit peu. Donc, les titres, on peut les retrouver sur le Facebook de l'émission Mavrika. Et on a écouté déjà pas mal de morceaux des Belges Rays. On en a prévu beaucoup trop. Je pense qu'on n'aura pas le temps de les passer tous. On fait une autre émission. On fera une autre émission. Donc, il y a pas de souci. Quand vous voulez. Hein. Les artistes de toute façon de la région orléanaise sont les bienvenus, hein, et ceux d'ailleurs aussi, parce qu'on est là pour supporter les artistes locaux, et là c'est un artiste local de Los Angeles quand même. Ouais, il est un peu local maintenant. Hein. Un peu local aussi. Oui. Ouais, parce qu'il a joué, vous avez fait un petit concert il y a pas très longtemps, c'était avec Phil, avec et l'autre Phil aussi. Avec Phil de Happy Goliki, samedi dernier. Ouais. Samedi dernier, donc pendant que nous on faisait le Mavrika Live, malheureusement, oui. Voilà, les deux au même temps, c'est pas toujours évident. Donc, ça s'est bien passé, j'ai vu les photos, j'ai vu, Ah oui, on a joué 30 minutes à peu près. 30 minutes. C'était histoire de mettre un pied dans la porte au Walls and Pub, Irish Pub. Ouais, la ville. Oui. C'est vrai qu'il y a plein d'endroits comme ça. C'est vrai qu'ils sont pas toujours très connus. Et pour jouer sur Orléans, c'est pas toujours très évident. Mais il y a quand même des petits endroits bien sympathiques. Ouais, c'est l'occasion. Et là, c'est un endroit, c'est assez grand dedans. C'est comment ça se passe? C'est surtout joli. C'est joli. On se croit dans un pub irlandais. Enfin, voilà. C'est un pub irlandais, presque. D'accord. Ouais, c'est la maison de la coquille. C'est une très belle maison médiévale. C'est superbement restauré. Donc un pub irlandais dans une maison au milieu, c'est le top. Voilà. Vous avez déjà été en Irlande aussi, non? Oui. Alors là, c'est toute une histoire. Voilà. Est-ce qu'on peut comparer les pubs irlandais avec les pubs en France? Il n'y a pas cette mentalité-là En Irlande, c'est carrément toute une famille qui va au pub. Tout le monde, c'est les grands-parents, les enfants, les hommes, les femmes, tout le monde. Et c'est blindé. Oui. Et puis il y a toutes les activités. On mange, on boit, on joue aux fléchettes, on fait de la musique. C'est vraiment un endroit de vie important. Et puis les gens souvent ils sortent du boulot, ils y vont directement, ils passent la soirée là-bas. Voilà, c'est vraiment dans leur manière de se retrouver, parce que c'est un pays quand même qui est dans le nord, il fait un peu plus froid même que la France, et le fait d'avoir des endroits comme ça pour se retrouver, c'est important. Et en plus il y a des super musiciens. Moi j'ai eu l'occasion d'aller à Dublin aussi, de voir les musiciens qui jouent en direct live, et c'est rempliable, il y a plein de gens, et les gens souvent même ils disent en Irlande, on boit une petite bière, je tairai le nom, brune, et on mange pas. Voilà, ça vaut un repas. Donc, c'est vrai. On mange un peu en même temps. Ouais. Et des fois ils boivent simplement, ils disent ça vaut un repas. Donc, ils n'ont même pas besoin de manger. Ils disent voilà, c'est consistant. C'est consistant. C'est la bière qu'on peut manger à la cuillère déjà. Ouais, déjà elle est épaisse. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Donc pour ceux qui ont eu la chance d'aller dans les pubs irlandais, et on a la chance donc à Orléans d'avoir un endroit qui ressemble un petit peu, quoi. En tout cas, récemment, hein, il a ouvert il n'y a pas très longtemps, pendant le Festival de Loire, donc c'est tout nouveau pour nous. Et il y a d'autres artistes qui se sont déjà produits là-bas? Oui, des artistes irlandais. Hein, irlandais, carrément. Ah, c'est ça, toutes les semaines, en fait, il y a un artiste irlandais qui vient et qui joue 3 jours de suite, jeudi, vendredi, samedi. Mmh. Et comme apparemment les conditions sont sympas, ils se sont passés le mot. Et super, parce qu'en plus la musique irlandaise, c'est une musique qui parle un peu à tout le monde. Pourquoi? Parce que le gars était irlandais, c'était pas spécialement musique irlandaise. On a eu un gros best-of de plein de choses. Beatles, un peu plus. Il y a eu du Elvis, il y a les Pogues. Il a quand même fait Dirty Old Town. Mais les gens chantent parce qu'ils connaissent les morceaux, ils connaissent les chansons. Donc c'est ce qu'on appelle un entertainer. Le mec, il est là pour faire le show et puis pour faire chanter les gens. Ah ouais, super. Ça marche. Ah bah impeccable. Alors. Et nous on s'est glissé au milieu de tout ça, voilà. Ouais, c'est sympa. Hein. Très bien. Donc pour le concert qu'il y avait à Orléans, est-ce qu'il va y avoir d'autres petits concerts comme ça que vous avez prévus, non? Pour les Happy Go Lucky? Ouais, par exemple. Ouais. Oui, bien sûr. Ça, on a un concert annoncé d'ailleurs qui va avoir lieu. Bah oui, il faut le faire. Alors. À 500 mètres d'ici, même. Faut Bourbagnier. Faut Bourbagnier chez les Jacquins. D'accord, chez les Jacquins. Mmh. Le 29 novembre, on fait la première partie de James Legg. Qui vient lui, du Texas. Vient de, non, qui vient de Nashville. Non ah oui, il est né au Texas. Il est né au Texas, ouais. Mmh. D'accord. Donc il est à Nashville maintenant. Ah bah c'est bien. Alors, donc c'est un artiste américain qui joue de l'orgue. C'est assez particulier. Apparemment, il se produit tout seul avec son. Alors là, il vient tout seul. Ouais. Moi, je l'avais vu en duo avec un batteur. Bah, on m'a dit. Alors, on m'a dit qu'il prenait souvent des batteurs sur place. Ah. Donc, je me demande si un scoop. Pas... Un scoop. You know why game? Not? Mm. You know him? Mm. James Legg. James Legg. Oh yeah. Maybe he will need a drummer. Maybe he will. On the November rumor, the 29th. Rumor has 29 it. Novembre. Au Jacquin, Faubourg Bannier. Donc une date à noter, à prévoir, puisqu'il y a Happy Go Lucky en première partie et James Legg en tête d'affiche qui nous vient de Nashville, Tennessee. Voilà, et on répond à l'invitation de Crash Test. Oui, les organisateurs. Les RN6. Ouais, le groupe. Ah, d'accord. Okay. Punk Rock Orléanais RN6. Les RN6 d'ailleurs qui ont sorti un album, ils m'avaient promis de venir dans l'émission et puis ils sont pas venus. Donc ils sont occupés avec les organisations de concerts. Ah bah oui, en même temps, s'ils sont occupés avec pour organiser pour la bonne cause quoi. Ouais, bah, puis c'est voilà, sympa, les Jacquins. Ouais, ils ont fait un groupe australien il y a pas longtemps au patio. Oui, dans le centre-ville. Je crois qu'il y a encore d'autres choses de prévues par la suite. Donc, Donc il y a du pain sur la planche. Donc c'est bien de parler de. Des petits jeunes qui se démènent. C'est bien. Ils sont plus jeunes que nous. Ouais. D'accord. Ok, donc on va continuer encore avec des morceaux des Bell Rays. On va essayer d'en passer quelques-uns. Et puis après, on va passer quelques morceaux aussi de ce que fait aujourd'hui tout seul Craig. Parce que compositeur. C'est un musicien complet. Oui. Il joue de plusieurs instruments. Oui. Et puis en plus, il a fait des chansons. Alors, j'ai pas eu le temps de récupérer toutes les chansons, mais j'en ai au moins trois qu'on va pouvoir écouter. Oui. Et j'ai choisi quand même celle qui me plaisait aussi le plus. Bah, donc, c'est un peu le but. Hein. Et j'espère que ça va plaire aussi aux auditeurs. Et puis, on lui posera des questions à ce moment-là. Pour l'instant, on va écouter The Bell Rays avec Living a Lie. Yes. J'ai bien dit? Oui. Ça commence à venir. Et bientôt, je vais aller faire une radio à Los Angeles. À LA. C'est parti. Voilà, que du bonheur, donc des belles raises. Donc ce soir, nous recevons dans l'émission numéro 660, donc bientôt 16 ans d'émission hein, quand même sur Radio Arc-en-Ciel, dans laquelle on a reçu énormément d'artistes de plein de styles différents. Et ce soir, c'est Craig Waters, l'invité, le batteur du groupe qu'on vient d'écouter, qui s'appelle les Bell Rays. Yes. The Bell Rays, donc un groupe de Los Angeles, un groupe californien, et on a la chance de l'avoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Là, on a écouté pas mal de trucs des Bell Rays. Il y en avait encore plein à écouter parce que franchement, on s'en lasse pas. Je sais que j'ai écouté les morceaux à la suite et à chaque fois, c'était que du bonheur. C'est efficace, c'est un plaisir d'écouter. C'est efficace. Ouais, je crois que c'est des riffs de guitare, ça part comme ça et puis d'un coup, tout de suite. La voix, la batterie, le bassiste, ça s'enchaîne et puis c'est de l'énergie quoi. Oui, ça donne la pêche. Super. En tout cas, belle découverte. En tout cas, et puis on continuera à diffuser dans les prochaines émissions quelques morceaux de temps en temps. Il y a des pépites. Voilà donc. Là maintenant, je voudrais aussi parler parce que Craig fait aussi un autre projet qui s'appelle, d'ailleurs, je me souviens plus exactement. J'allais chercher le nom. Craydar, the Risen. C'est son projet personnel. Yeah, sa composition. Different names for different chapters of my life. Voilà. So en fait, sa vie est divisée en différents chapitres. Et il y a des noms différents pour chaque chapitre. Yes. Donc, j'avais lu un petit peu sur la plateforme dans laquelle on peut retrouver ces morceaux-là, qui avait justement qui n'a pas forcément une connaissance très très approfondie de la technique. Donc les enregistrements sont faits, il s'est débrouillé quoi. Oui. Mais le résultat est très bien en tout cas. Il a l'oreille, c'est un musicien, donc déjà il apprécie le métier, le bon son. Oui. Et il y a des morceaux qu'il interprète à la guitare, c'est lui-même qui joue. Oui. Il y en a d'autres, il fait des recherches un petit peu électroniques, il y a la musique classique, il y a plein de choses très éclectique. Ouais. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai cherché quelques morceaux et parmi tous ceux que j'ai trouvés, forcément, je les ai pas notés. Alors voilà. Il va nous dire quels sont les titres quand on les aura écoutés. Je vais les retrouver. Donc parce que le problème c'est que sur la plateforme ils sont traduits en français. Je me suis dit tiens, ils chantent en français. Non. Et après je vois, je dis pas encore. Il y a des fois c'est en français et des fois c'est écrit en anglais. Donc c'est bizarre. Donc le premier morceau s'appelle Above the Stars. Yes. Voilà. Above the Stars. Voilà. Donc c'est le premier morceau que j'ai pris. Hein, c'est un morceau à la guitare. Oui. Les morceaux sont assez courts. En plus, donc j'ai remarqué. C'est fait pour Mavrika. D'accord, c'est fait pour Mavrika. Et dans Mavrika, c'est vrai que souvent il y a des gens qui me disent voilà, on a des morceaux qui sont très longs, ça passe pas forcément à la radio. Je dis mais ça passe pas dans les autres radios, mais dans l'émission Mavrika, on peut se permettre de passer des morceaux très longs. Trois heures maximum. Il y a des groupes comme ça. Je connais un groupe qui avait sorti la face A d'un album avec plein de chansons et la face B c'était de l'improvisation totale et le morceau fait 43 minutes, je crois que c'est un record dans l'histoire de la musique. La liberté. Et donc, c'est un groupe portugais qui s'appelle GNR. D'accord. Et comment GNR. D'accord. GNR. D'accord. Alors, ce qui veut dire au Portugal, c'est connu, c'est la gendarmerie, quoi. D'accord. Mais eux, ils l'ont transformé un peu. GNR, c'est groupe nouveau de rock. D'accord. Nouveau groupe de rock. Donc ils ont joué un petit peu sur le mot et ils avaient fait cette chanson qui s'appelle Avalir pour ceux qui connaissent. Oui. C'est un morceau qui est improvisé, c'est-à-dire qu'ils ont monté les manettes et puis ils ont enregistré pendant la phase B de tout un album une chanson qu'ils ont improvisée vraiment qui s'appelle Avalir. C'est le Abbey Road portugais. Ouais, il y a aussi des bons musiciens au Portugal. Oui. Et est-ce que justement Craig un jour ça lui dirait d'aller là-bas parce qu'ils ont quand même cette culture peut-être plus qu'en France la culture du rock encore. Would you like to play in Portugal? I would love to play in Portugal. Oui, il adore. Absolutely. Have you ever played in Portugal? Many years ago. Oui, at least 10 years ago. Il y a 10 ans, ils ont fait une tournée au Portugal. Ils avaient fait Portugal, Espagne et il avait adoré ça, il aimerait y retourner, ça fait déjà 10 ans donc ça commence à faire quelques années oui. Très bien, donc nous on attend la prochaine tournée européenne en tout cas pour les voir sur scène parce que franchement ça donne envie et j'invite les gens à écouter les morceaux, ils sont sur toutes les plateformes et il y a aussi des vidéos, pas mal de vidéos qui traînent où on les voit sur scène. Et même à la télévision, ils sont passés à Canal+, ils sont passés à par ailleurs, ils ont fait pas mal de télé en plus des lives, des concerts, des tournées. Donc j'invite les gens à aller découvrir vraiment ce groupe, pour ceux qui ne le connaissent pas encore très bien. Oui. En tout cas, j'espère qu'ils l'ont découvert grâce à l'émission Mavrika. Et on va maintenant voir le travail de Craig avec ce premier morceau à la guitare qui s'appelle Above the Stars, et c'est sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Voilà, ce sont des morceaux très courts, hein, comme j'ai dit, encore une fois, et c'est surprenant, parce qu'il ne dure qu'une minute, ce morceau-là. Donc, on vient d'écouter deux morceaux à la suite, c'était Above the Star, et alors là, ça a été traduit, effectivement, je regardais sur le site, une autre fois, Another Time, c'est ça. Ah oui, il faut peut-être que je vous montre les micros, je suis tout seul à parler. Une autre fois. Une autre fois. Donc, voilà. Le titre a été traduit. Alors, dans ces projets-là, c'est quoi? C'est des morceaux qu'il a enregistrés tout seul. Est-ce qu'un jour, on va les retrouver sur des albums, ou comment ça se passe? You did all that alone? Yeah. Between tours, I try to manage oui, time to... Il a enregistré seul entre deux tournées. Get out my own ideas. C'est les idées qu'il a, il avait envie de les fixer et de les enregistrer. Yeah, so everything is sort of underdeveloped and just... C'est un premier jet, c'est pas encore développé, mais c'est déjà un premier enregistrement, donc... Will you put that on an album maybe one day or... Hopefully, yeah. Oui, hopefully. Il espère exploiter ses enregistrements, développer. En tout cas, c'est des premières idées. Donc, il y a un potentiel. Yeah, when I find the right time and the right place and the right voilà. People. And... Il suffit de trouver le bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, ça va se faire. et pourquoi avoir pris ce nom, Radar the Reason? What, il y a une référence à quelque chose. Where does this name come from? Again, it's sort of just my own personal representation of different chapters. of my life. So Craters Arisen follows the Craigness monster. Ah, c'est par rapport à des monstres. Donc il y avait un premier personnage, c'était Craigness the monster. Crater the Reason, c'est un autre personnage. To destroy Crater, I needed to destroy the Craigness monster. Donc il avait besoin de détruire Craigness the monster avec Crater the Reason. Yes. And now I've risen from the destruction of Crater. Right? Après une destruction, il y a une nouvelle construction. Of the Craigness monster, yeah. Des histoires de monstres. D'accord, mais très bien, c'est par rapport à des jeux vidéo, des choses comme ça, non? Ou des univers? Oui, l'influence de video games? Yeah. Oui, oui. Yeah, that is also kind of spawned, Kratar was also spawned out of a game name. C'est le nom d'un jeu. You know, as a joke, in a way. Et c'est une plaisanterie. I am Kratar, the Risen. Oui, beaucoup d'humour par rapport aux monstres et par rapport aux personnages, aux personnalités des monstres. D'accord, très bien. On écoute encore un dernier morceau que j'ai sélectionné. Il y en a d'autres à découvrir. Oui. On peut peut-être dire aux gens, mettre le lien peut-être pour que les gens puissent. Je l'ai partagé sur le Facebook de l'émission Volontiers. Marika. Comme Volontiers. Ça, les gens pourront découvrir vraiment les premiers enregistrements qu'il a fait sous ce nom, donc dans ce nouveau projet. Oui. Et j'en ai sélectionné quelques-uns, mais il y a plein de choses différentes. Hein. Oui, il y a de la musique classique, il y a du métal, il y a plein de rythmes différents. C'est la richesse de ce personnage de notre ami Craig. C'est vraiment quelqu'un qui explore des styles très différents. Très bien, on va écouter encore un morceau. Pendant ce temps-là, vous allez vous mettre en position, puisque l'heure avance. Et donc, si on pouvait faire quelques petits lives en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec notre ami Phil Twangé qui est présent, et Craig à la batterie, donc Craig Waters qui va interpréter des morceaux. C'est des morceaux de Happy Go Lucky. Ça va plutôt être le répertoire Happy Go Lucky, oui. Go Lucky Band. Happy Go Lucky. Go, go. Non, mais j'apprends hein, en même temps. D'autant on a régulièrement Craig à la répétition. D'accord. Et qui nous donne des conseils, qui nous... Ah bah oui, c'est sûr. On a eu droit à du travail sur le chant, des choses comme ça. Mm-hmm. C'est un directeur artistique. Musical advisor. Oui, un conseiller artistique. Là, ce que je peux dire aussi, à propos de ce groupe, c'est que j'ai eu l'occasion de le voir justement au Festival de Notre Monde, au Parc Pasteur. Oui. Et franchement... j'avais les enregistrements que je diffusais déjà, que Phil m'avait déjà envoyé, tout ça. Et quand j'ai vu sur scène, franchement, le groupe m'a vraiment épaté. Hein. Franchement, continuez comme ça, c'est parce que j'ai trouvé sympa. Super bien. J'ai adoré, franchement. Ouais, ils sont bien. Hein. Et j'ai découvert une autre facette de Phil, parce que Phil, oui. Je le connais. Depuis longtemps, il interprète ses morceaux et souvent dans ses groupes, il joue de la guitare. Voilà, il est accompagné par un contrebassiste et tout ça, et chante en même temps. Et j'ai vu aussi interpréter des morceaux tout seul, ou des fois il joue la basse et la guitare en même temps, hein, comme ça. Vous avez expliqué avec les cordios plus la basse. Ah, il est et là, par contre, je l'ai découvert en tant que soliste guitare. Oui. Et franchement, il assure bien comme il faut. On a notre Brian Setzer en Orléans. Ah, franchement, j'ai adoré. Et les solos et tout ça. Le style, carrément. C'est ce que les crash tests ont marqué sur le truc. Oui. Je suis le Brian Setzer local. Exactement. C'est vrai que je l'ai vu aussi. Ils se sont pas trompés. Mais c'est une référence à quelqu'un qu'on aime bien aussi. Donc, oui. C'est pas pour dire du mal, franchement. Ah, non, au contraire. Ouais, je souhaite un prompt rétablissement aussi. Oui, j'ai entendu la tournée, il était parti en tournée, la tournée était interrompue. Annulée, ouais. Pour des problèmes de santé, sans plus de précision, mais il avait jusque-là un problème, une maladie auto-immune qui l'empêchait de jouer la guitare. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Il a eu un traitement, il avait repris, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas plus de détails, mais bon, là... Ouais. Bon, on lui souhaite un bon rétablissement et puis on espère bien le voir très bientôt sur les scènes, parce que franchement il nous a enflammé depuis pas mal d'années et il nous a fait redécouvrir le rockabilly, puisque c'était dans les années 80 où il nous a fait redécouvrir cette musique qui était encore plus ancienne. C'est un grand monsieur de la musique et c'est bien qu'on en parle dans l'émission Marika. On écoute donc le troisième morceau que j'ai choisi, s'appelle You So, avec un petit jeu de mots parce que les deux You et So se rapprochent et ça fait USA. Ah, yes. Donc, moi j'ai compris le jeu de mots. Alors ce morceau-là, il est. J'ai bien compris le jeu de mots ou c'est. You So is a word game with USA. Yeah, there's a kind of write in code. A little oui, bit. C'est un message codé, effectivement. C'était bien ça. C'était bien ce jeu de mots. There's layers to every word. Oui. Il y a souvent des jeux de mots dans les titres. D'accord. Et ce morceau-là, il nous parle de quoi? What is it about this track? Do we have another couple hours? Si vous avez 2 heures, on peut en parler. I'll let you interpret yourself. Oui, on peut imaginer beaucoup de choses. Yeah. D'accord, on l'écoute et puis on va se faire notre propre idée. En attendant, vous allez vous mettre en place pour faire des interprétations en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Vous pouvez nous écouter sur le 96.2 MHz et sur double on va dire ça comme ça. radio-arc-en-ciel.fre. Voilà, on va le dire comme ça. C'est drôle. C'est parti, on écoute tout de suite Ice Yusuf. Donc le projet Cradar the Reason, donc le projet de Craig, hein, un autre projet qu'il a. Pour l'instant, c'est des idées un peu qu'il a développé, qu'il a enregistré avec ses propres moyens. Et peut-être ces morceaux-là, on va les écouter bientôt. Ah, ça va se développer, oui. Retravailler peut-être avec d'autres musiciens, avec tout ça. Mais en attendant, moi, je trouve déjà. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et puis même au niveau de la voix, sa voix est super bien. Franchement, un chanteur. Un vrai musicien, il est complet. Il est déjà au backing vocals dans pas mal de groupes, donc ça forme. Et là, en tant que lead vocal, c'est vraiment super. Très bien, en tout cas une superbe découverte, hein, parce oui. que grâce à toi Bertrand, j'ai connu Craig, il est là ce soir, et puis je pense que c'est pas la dernière fois qu'il va venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Merci de ton accueil. On a encore plein de choses à découvrir, oui. et plein d'histoires du rock'n'roll à écrire. Qui s'écrit encore aujourd'hui. Qui là. S'écrit encore aujourd'hui, heureusement, oui. heureusement. Oui. Et puis en plus il y a des petits jeunes qui arrivent aussi derrière, donc j'espère que ça va continuer encore très longtemps. En tout cas ce soir, il va y avoir du direct live, et on entend... que je vais arrêter la petite musique de fond qui sert à rien parce que le guitariste il est dans les starting blocks. Phil Quagley et Craig Waters. Voilà, ça envoie, ça envoie. Fait de balance, tu me dis si c'est trop fort, c'est trop ouais, si tu pouvais diriger un micro sur ton ampli plus parce qu'on l'entend mais de loin. Ah bah non mais je peux mais ça fait un écho. Je préférerais qu'il soit moins fort peut-être et plus dirigé sur l'amplificateur. Voilà. Non. Juste le fait de diriger, des fois, ça aide beaucoup. Parce que là, on a une salle qui n'est pas vraiment faite pour les concerts, donc elle n'est pas traitée. Ouais, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Voilà, en tout cas, ça va envoyer. Donc, il va falloir que je retouche un petit peu les réglages, hein, forcément, parce qu'entre le moment où on parle et le moment où on joue, c'est différent. Est-ce que tu as un micro? Tu n'as pas de micro pour ta voix, du coup? Non, j'ai que celui-là. Il faut essayer de prendre celui à côté, là, si tu peux si tu peux le tirer vers si toi. Si je fais les deux traces, voilà. Non, j'aurais pas celle de... Non, mais si tu le ramènes avec le bras, tu peux pas le ramener un petit peu? Ouais, c'est un petit peu compliqué, hein. Attends, parce que sinon. Attends, je vais demander à un technicien. Ouais, il y a des assistants, heureusement. Voilà, on a des rodises. Donc, si on peut avoir un micro, voilà, plus pour la voix et l'autre plus. Même si bien dirigé, c'est surtout ça. Voilà. Là, ça devrait le faire. Tu es bien, Phil? On va faire avec, hein. T'es pas trop. Non, c'est pour l'ampli. C'est pour l'ampli. Essaye de le diriger vers l'ampli. Voilà. Donc là, je pense qu'on doit être pas trop mal. Alors, souvent. I hear the train coming. Ouais, bah, c'est bien ça. Rolling down them. Moi, je crois que je vais me taire. Je vais vous laisser la parole. Donc, voilà. On fait comme ça. Bon, on va commencer donc, avec ça. Vous assurez le show. Voilà. Je vais pas y arriver. Le show jusqu'à la fin. I won't play Bell Ray songs. We didn't understand. Neither will I. But. This one, c'est Phil qui a chanté le tour, mais je l'ai chanté quand même pendant des années, donc For Some Prison Blues, I think you can play on that. Uh-huh. Johnny Cash song. I hear a train coming, it's roaring around the bell. I see the sunshine since I don't know when. I'm searching for the prison, and time keeps dragging on. Train keeps a rolling all down the St. Anton. I was just a baby and my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with girls. I shot a man in Reno just to watch him die. I hit a lonesome road, I hit my hand and I cried. From that prison to that railroad. On s'est retrouvé tout à fait aux États-Unis là sur la route 66 avec la superbe musique américaine comme on aime. Voilà, on est un petit peu aux États-Unis aujourd'hui. C'est un petit peu l'ambassade des États-Unis avec Johnny Cash. Avec Johnny Cash en personne. Non, ah non, il est pas là. Not really in person. Non, pas not vraiment. Today. Mais on s'y croyait. Hein. On s'y croyait. Oui. Franchement, bravo. Et puis avec le son un petit peu comme on est dans un studio, on n'est pas vraiment dans un studio professionnel. Et aussi justement ce côté-là, ça sonne un petit peu comme les enregistrements dans les années 60 en tout cas. Ah, 50-60, oui. 50-60. Alors, on continue. Je suis déjà légèrement désaccordé. Excusez-moi un instant. La belle Gretsch. Ouais, une très belle guitare. Hein. Oui. D'ailleurs, il en a une collection. Je sais que je les ai déjà photographiées à plusieurs reprises. Il en a de plusieurs couleurs et souvent la même marque. Parce que c'est la guitare de son style musical, hein, tout à fait. Hein. Twangy. Twangy Waters. Ah, celle-là, je l'ai jouée, celle-là aussi. Ah ouais, je l'aime bien, moi. Bon, l'avantage, c'est que je peux m'accorder sur moi-même. D'accord. Il n'y a pas de basse. Ouais, donc ça va. Par rapport à ta voix. Ok, je vais faire un truc que je n'avais encore jamais chanté. C'est Phil qui la chante, celle-là, c'est I Got Gold. Je sais plus de qui c'est d'ailleurs, mais je vais tenter le coup, j'échappe. Il est pour là, j'en profite. Ouais, il faut en profiter, ouais. C'est enregistré, hein. I've got a pickup truck to take me into town. I don't know the ways and means to lay my money down and lay him down. Left the ground. Rise me up before the sun lays back the way back home. I'll go out into the air and kick my feet around. I'll kick and run. Cause I got gold. I've left the ground. Collectors ring my phone, keep me on the run. They don't know the way I've got, the ways of having fun. I have fun. I got gold and it nails the ground. Do a jig above a twig, spin yourself around. Dig the low below the soul. That's where I'll be fine. I have gold. Cause I got gold. And I nailed the ground. I got gold. And I nailed the ground. I got gold. And I nailed the ground. Yeah, yeah, yeah. Bravo. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Phil Twangy et Greg Waters en direct live. Twangy Waters. Twangy Waters. Twangy Waters. Ça va rester comme ça. C'est un jour vous faites... Twangy Waters. Ouais, on va... On, voilà. Special guests. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Voilà. Grandsons of Twangy Waters. Est-ce que j'aime bien... En plus, c'est enregistré, donc vous inquiétez pas. Il y aura le podcast. Notre ami Florent, aujourd'hui, n'a pas pu l'enregistrer, mais moi, je l'ai enregistré. Donc, super. Je le passerai à notre ami Florent qui fait les podcasts et qui lui le mettra sur le site comme d'habitude, et je partagerai le lien pour pouvoir réécouter les morceaux, surtout les morceaux en direct live. Et en plus il y a un truc qui est marrant, c'est que tout à l'heure il y a eu un petit silence et il y a eu la chaise qui a tourné et on entend le grincement, et ça fait de la musique, ça c'est vraiment en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est de la musique avec la chaise depuis le début de l'émission. C'est collector, voilà, c'est la signature, c'est le studio de Radio Arc-en-Ciel. Il va falloir qu'on graisse un petit peu les portes et puis les chaises. ou pas. Voilà. On continue avec un autre morceau. Je m'aperçois que j'ai que des morceaux en mi, mais c'est pas grave. Hein. D'accord. All song in E. I saw. What is his name? Comment il s'appelle ce bluesman qui était venu jouer en France, que Justin faisait tourner? Oh, il y en avait plusieurs. Un vieux noir. Oui, Tim O'Dellford. Tim O'Dellford. Ouais. Ah, okay. So all of the songs were in E. All in E, yeah. Turning E. It's like metal. I do the same. Another Johnny Cash, Big River. Je vais enlever ce truc-là qui me gêne plus qu'autre chose. Now I told the weeping widow how to cry, and I showed the girls on the cover of a clear blue sky, and until I cried for that woman, I gotta throw at you, Big River. I'm gonna sit around here until I die. I made a accident in St. Paul, Minnesota, and he told me that every time I run up to own something grow, then I heard my twin with my dog twin gobbling down for it, and I followed you, Big River, where to go. Then he took me to St. Louis, laying alone down the river. Pretty says she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found a trail in Memphis, but she just woke up the rug. She read a few high row and she went on down the line. Now won't you find it down by the roof, wave a queen, Lord and honor. Shake that woman on down in New Orleans, New Orleans. Go and hold up, I'm enough, dumb my blues. She likes you, Big River, more than me. Now I told the weeping widow how to cry, cry, cry, and I showed the girl how to cover up there in the blue sky. And I said, I'm proud for that woman. They gonna flow at you, Big River. I'm gonna sit right here until I die. Until I die. Génial, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, vraiment, il y a vraiment une place pour le bonheur dans la vie finalement, et là on est en train de c'est marcher, grand sur, régal. C'est un régal vraiment de vous écouter en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. J'espère que tous les auditeurs sont ravis en tout cas, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Le pied du vendredi soir, ouais. Halloween. Ah ouais, c'est Halloween en plus, ouais. Halloween. Ah, ouais, mais ça tombe bien avec Kradar de Reason. Ah oui, les moments, c'est le dernier morceau de Happy Go Lucky Band qu'on a écrit avec Phil. Ouais. Et Greg a collaboré d'ailleurs, on a fait des premières répètes, il était là. D'accord. Il a même fait une répète avec nous, parce que notre batteur était en vacances. Donc il a un peu contribué lui aussi. Et je la chante pas d'habitude, c'est Phil qui chante, donc là j'en chante une partie, donc on devrait y arriver, quoi. D'accord, ça va se faire. En tout cas, jusqu'à présent, c'est que du bonheur. C'est juste là. All right. On zappe notre intro, direct sur. Location. When nothing looks right, and the sound sounds on the sidewalks, a Dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, formidable en tout cas, super moment. On arrive à la fin de l'émission, ça va être un peu juste, mais est-ce que vous voulez en faire encore une dernière? une rapide, on peut faire. Ouais, on va en faire une rapide, ou même si on dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. Voilà, quatre morceaux, voilà, c'était vraiment improvisé, hein. Ils n'avaient pas prévu de... Magnifique. Et voilà, donc ils ont repris des morceaux de Happy's Go Lucky Band. Un morceau. J'ai fait deux morceaux de Johnny Cash et un morceau du... Le quatrième, je ne sais plus comment s'appelle l'auteur. Ouais, on va essayer de se débrouiller parce que moi, j'ai mis le programme... À part la dernière, ça fait partie du répertoire. Oui. Ah oui, c'est quand même des morceaux que vous reprenez. Ça a été... Alors, j'ai marqué sur le programme de l'émission, il y a quatre directs live, donc avec Twangy Waters. Yeah. On va marquer ça comme ça. Tu me donneras les titres tout à l'heure, yes, qu'on puisse les marquer pour que les auditeurs puissent les retrouver s'ils ont vraiment envie The grandsons of Muddy Waters. Les petits-fils de Muddy Waters. Without the tan. Super. Ils sont bronzage. Ils ont perdu un peu de pigment. On a passé un superbe moment, en tout cas, cette émission, en tout cas, elle est passée à une vitesse pas possible. Alors super. Nous, on va rendre l'antenne parce qu'on arrive à la fin de l'émission, il faut rendre l'antenne, etc. On va vous laisser avec RDP International. Mais nous, on va se retrouver dans les studios, déjà, on va discuter un petit peu. Oui. On va aussi prendre des photos parce que c'est important. Oui. Alors, il y a notre ami Didier qui était là, qui a filmé aussi, donc il y aura... C'est pas évident. C'est juste le coup de marquer parce que ce sera pas une vidéo professionnelle, mais ce sera une vidéo, laquelle on tiendra beaucoup. Préparé à ça, sinon je me serais pris un petit peu autrement. Ouais, d'ailleurs, on va j'aurais pris mon armon, mais bon, tant pis. C'est vrai que. Il y aura d'autres cases. Ouais, il y aura d'autres cases, parce que je crois que Craig, en tout cas, il est venu ici dans l'émission. À partir d'aujourd'hui, il fait partie de la Mavericka Family. Et donc, à partir de maintenant, tu reviens quand tu veux. You belong to the Mavericka Family. Come back whenever you want. Merci beaucoup. Voilà. Thank you very much for. Tu vois qu'il a appris à parler français. Voilà, mais il va. Obrigado. Un mot en portugais aussi, ça fait plaisir. Voilà. Très bien, donc cette émission arrive à la fin. On va dire les phrases magiques. Que le rock'n'roll soit avec vous. Ah, oui. Une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be alright. All right. Il y a toujours un truc en anglais quand même. Hein, donc il faut connaître un minimum. Donc, Twangy Waters. Merci. Twangy Waters. Voilà. Un groupe formé dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour l'occasion, pour le Mavericka numéro 660 pour ceux qui ont suivi. Déjà. La semaine prochaine, je vais quand même expliquer, la semaine prochaine, je serai pas dans l'émission parce que j'ai autre chose de prévu. Et la suivante, j'ai regardé sur mon truc, je crois qu'on sera pas là non plus. Mais les émissions vont se faire quand même. Donc ça sera l'occasion justement de diffuser. Je vais faire une playlist avec tous les artistes qui sont passés dans l'émission Mavericka. C'est l'occasion de diffuser au maximum les artistes de la région orléanaise et d'ailleurs ceux qui se sont donné la peine de venir dans notre studio. Donc c'est important de leur rendre hommage de temps en temps. Et je vous préparerai aussi une petite émission parce que en début d'émission, je vous rediffuse une émission qui est faite par Francis Lachey. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe des Shaking Mesh. Oui. Ouais, Francis, donc lui fait aussi des petits podcasts pour l'émission Mavericka qui sont maintenant diffusés aussi dans d'autres radios web, etc. Donc il les fait très bien et nous, c'est l'occasion de les diffuser quand je suis pas là. Donc pendant une petite heure, il nous parle d'un artiste du rock, des légendes, et il nous raconte un peu toutes ces histoires avec des extraits musicaux et tout ça. Ça s'appelle Rock Station. Donc vous aurez droit dans les deux prochaines émissions à ça. Et je crois que l'émission prochaine, on a bien calculé, l'émission prochaine sera la 661e et la suivante, la 661e bis. Pourquoi? Parce que sinon, au niveau du programme, ça tombait pas bien pour recevoir le groupe pour le 666. Donc, voilà. Ouais, ça tombait sur un autre artiste et ça allait pas. Donc, on va faire comme ça. Hein, on va tricher un petit peu dans l'histoire de l'émission Mavericka. On va tricher un petit peu. Si tu rates ton coup, faut repartir à zéro. Ouais. Pendant encore 666. Si tu me permets, Albino, j'aurais juste un petit truc à dire pour rebondir. Tout à l'heure, tu disais que tu rendais hommage au groupe et que tu les repassais à la radio fréquemment. Tu vois où je veux en venir? Oui, j'aimerais bien que ces groupes, de temps en temps, ils viennent te rendre hommage quand tu ferais le Mavericka Live. Ils connaissent un petit peu plus de monde. C'était mon petit coup de gueule de la soirée. Ouais, voilà. Les amis. Les gens qui nous suivent, qui ont regardé sur le Facebook, il y a eu plusieurs coups de gueule qui ont été envoyés par beaucoup d'artistes. C'est-à-dire que nous, on s'écarcasse à faire un événement sans aucune prétention. Hein. Nous, on est des amateurs, on s'entoure de bénévoles qui se donnent beaucoup de mal, tout ça parce qu'on y croit, parce qu'on aime la musique, hein, on aime le rencontres et tout ça. Et malheureusement, la dernière édition, ça n'a pas été terrible. On a fait la moitié des entrées de la dernière fois. Donc d'une fois à l'autre, c'est pas du tout pareil. Alors, par contre, nous, on a repéré aussi les gens qui étaient là. Il y a des artistes de certains groupes qui sont venus voir. Notamment d'assez loin, hein, de l'Ouest, du département. Il y en a qui sont venus. Et ceux-là, je pense qu'on les fera jouer en priorité pour les prochains Maverick Live. Et voilà, c'est donnant-donnant aussi. Venez. Voilà, c'est quand même dommage qu'on vous aime, qu'on vous donne autant de mal et que les gens, se soient pas trop déplacés. Oui, non, mais ça, vous avez un bon de sortie, les gars. Vous avez un bon de sortie, et puis on le savait parce que j'avais déjà vu dans l'agenda qu'effectivement il y avait plusieurs concerts en même temps. Mais voilà, donc. C'est dur de jouer devant une belle salle. On a eu des groupes, franchement. En plus, on va en parler. Allez, Vous avez loupé quelque chose. Vous avez loupé quelque chose parce qu'on avait le groupe Sonic Lag en première partie. Donc, franchement, qui ont envoyé du rock efficace, du rock and roll comme on aime. Le groupe Raskaz. C'est le groupe de comment du. Sonic Lag. Christian, oui. Ah oui, le chanteur. Sonic Lag. Le punk au grand cœur. Ouais, c'est quelqu'un qui ils sont adorables, en tout cas les Sonic Lag. De toute façon, on sélectionne tous les groupes qui passent au Maverick Live. La plupart du temps, ça se passe toujours très bien. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui humainement sont super, quoi. Voilà, donc c'est toujours un plaisir. Puis on pense aussi aux bénévoles, tous ceux qui ont donné le matin, toute la journée, et le soir tard. Ouais. Et donc il y avait le groupe Raskaz aussi qui ont envoyé. Franchement, c'est super bien carré, c'est super bien. J'ai adoré. Il y avait le groupe aussi BRS. Alors là, franchement. Une bonne claque aussi, des excellents musiciens. En plus, le groupe s'est reformé. C'est pas les mêmes musiciens que j'avais reçus dans les studios. Et là, ils ont fait un truc super bien. Et puis, il y avait un groupe aussi, un duo avec Monsieur Didier et Patrice. Le groupe Plug and Play en interscène. Donc, vous étiez un petit peu sur le côté, mais en attendant, vous avez assuré le truc. Et franchement, on a passé un bon moment. Il y a plein de photos qui sont sur le Facebook notre ami Michel Le Piedalu pour l'instant, qui nous a donné plein de trucs. Il y a aussi des vidéos qui ont été capturées, donc moi je les partage au fur et à mesure. Et puis un petit clin d'œil aux gens qui sont venus exposer aussi. Les exposants, bravo, parce que cette fois-ci on a fait un travail au niveau des exposants. On les a démarchés, on les a fait venir, et finalement il n'y avait pas eu trop de monde, et on aurait préféré que ça marche aussi bien pour eux. Enfin, ils ont passé un bon moment quand même, j'ai eu des retours, mais bon, on espère plus de monde la prochaine fois. Voilà, c'est notre petit coup de gueule. On arrive à la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup, Craig. Merci, Bertrand. Merci, Phil. Merci, Didier, d'être venu. On a fait une émission vraiment 3 heures, et ça passe à une vitesse, c'est pas possible. Le temps passe très vite quand on passe des bons moments. En tout cas, vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. On va se reprogrammer des émissions. Merci. Voilà, cette émission est terminée. Donc merci encore une dernière fois. On remercie aussi les auditeurs. On remercie Radio Arc-en-Ciel de nous permettre de faire cette émission. C'est vraiment une émission où je suis libre de faire ce que je veux. Ils me font confiance depuis déjà presque 16 ans. Donc merci à Albino. Essayer de mériter leur confiance. Et merci à tous les auditeurs. Ça, c'est le plus important, parce que tant qu'il y a des gens qui sont passionnés de musique, nous, on continuera à faire cette émission. Et on va souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Bon Halloween. Un bon Halloween aussi. Ghost Town. J'ai vu que le costume d'Halloween qui marchait le mieux actuellement, c'est habillé tout en noir avec une cagoule et un gilet jaune et une couronne sur la tête. Ah, c'est pas mal ça. J'ai un petit clin d'œil là. Un mont de charge. Ouais, je crois que c'est un mont de charge, ouais, un truc comme ça. Très bien, voilà, cette émission est terminée. En tout cas, je vous remercie encore une fois, et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Je serai pas là, mais il y aura quand même une émission, et la suivante aussi. Je vais vous préparer tout ça, je vais envoyer ça à la direction de Radio Arc-en-Ciel pour qu'ils le diffusent en temps et en heure, et on se retrouve donc dans 3 semaines, hein. Le temps passe vite, et je me souviens même plus qui c'est qu'on va recevoir à ce moment-là, donc je regarde en direct live sur mon agenda. Donc ça sera The Wilds. Yes. Vous connaissez The Wilds? Bien sûr. Ils viennent de Paris. Ouais, ils viennent de Paris. C'est ouais. Marc Albert. Non, Marc Albert. Et Audrey Shine. C'est vraiment un duo à voir. C'est magnifique. Alors, Marc Albert, je l'avais connu il y a une quinzaine d'années. C'est oui. vraiment au début de l'émission. Oui. Et il a joué en bas dans la salle, là. Et c'est là que j'ai connu. Et puis, on s'était suivi. Après, on s'était perdu un petit peu de vue. Et j'ai vu qu'il était revenu sur Orléans. Donc, on a recommencé à. C'est un grand fan des Belles Rays. C'est un grand fan des Belles Rays. Ah, bah oui. Alors, ça sera l'occasion d'en reparler en France. Ça sera l'occasion. Ouais. D'en reparler alors. Et justement, et ben, il m'a dit voilà un nouveau projet. Donc on diffuse déjà depuis pas mal de temps ces morceaux, The Wilds. Et donc ils seront en concert à Orléans le lendemain. Et donc ils viennent une journée avant pour être dans l'émission Mavrika. Voilà. Super. Le truc est comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des bons artistes dans l'émission Mavrika. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Et puis on se dit rendez-vous à une prochaine émission. Alors, on fait see comme you ça. Soon. On termine avec j'avais calé un petit morceau, un dernier morceau des Belles Rays. Alors j'essaie de lire, mais comme je suis très loin, ah ouais, voilà. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à lire, j'ai enlevé mes lunettes. The Power to Burn. Voilà, c'est Power ça. To Burn. Ah oui, on va parler. Power to Burn. Donc, on va se quitter avec cette chanson et puis, rester sur Radio Arc-en-Ciel, c'est important. Chaque émission est différente les unes des autres et vous allez voir, à chaque animateur, on a un univers différent. Voilà, cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous à une prochaine, en tout cas. Et, à Craig, Bertrand et Phil, vous êtes toujours les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Merci, voilà. Merci. On envoie le dernier morceau de The Bell Rays. Yeah. l'essentiel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. A prevenção de incêndios começa em si. Começa em todos. Se fizer queimas ou queimadas,